Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bimestriel, correspondant à la période de novembre et décembre 2014. Avant tout, je me permets, au nom de toute l'équipe évidemment, de vous souhaiter une excellente année 2015 à venir, hein, avec plein de choses à lire, hein, plein de nouvelles séries de tout genre différent, du shonen, du shoujo, du seinen, j'en passe, et des meilleurs. Alors, avant tout, avant de commencer cette nouvelle émission, cette première émission d'ailleurs de cette nouvelle année, nous allons accueillir un intervenant habituel, s'appelle Tuntun. Bonsoir Tuntun. Salut, bonne année à tous. Pour justement cette nouvelle année qui devrait être faite de plein de mangas et de séries De à venir. BD, de lecture en tout genre et d'argent en moins. Surtout. L'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est indéniable. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avec nous, nous n'aurons pas notre habituel intervenant qui s'appelle Kurita, qui n'a pas pu être présent pour cause de préparation de Du partiel, donc brevet. on le. De brevet, voilà, non pas brevet, hein. Du BSR, pardon, du BSR. Donc on lui souhaite bon courage, Gambate Kurita. Et on espère C'est du japonais. le voilà exactement. On espère le ref, le voir avec nous dès la prochaine émission. Mais pour commencer sa non-présence, nous accueillons un nouvel intervenant qui n'a pas encore eu l'occasion d'être présent sur de nos émissions, que ce soit sur Celluloid, sur la partie vidéo, sur le bimestriel, à savoir Meloku. Bonsoir Meloku. Bonjour et bonne année. Et alors on peut te retrouver donc sur Twitter sur @meloku, Meloku, c'est bien cela. Oui. Et sur le site nostroblog.wordpress.com qui parle d'animation, de manga, et dont le dernier article que tu as écrit est justement un bilan de l'année 2014 en ce qui concerne le manga, c'est bien cela? Voilà, c'est parfait. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec donc à chaque fois au niveau de la. Au niveau du schéma de l'émission, on va commencer par les premiers tomes, donc pour tout ce qui va être nouvelles séries. On reviendra également ensuite sur les séries qui se sont terminées, dont notamment deux séries d'importance, en tout cas qui ont eu leur place sur le bimestriel, à savoir Bakuman et Bonny Poon Poon. Et on finira par les tomes correspondant aux séries en cours. Alors, Toon, je te propose déjà de commencer. Pour vous rappeler un peu le principe du bimestriel, nous ne parlons plus de bimestriel manga, mais bien de bimestriel dans le sens où on ne parle plus uniquement de manga, mais on s'intéresse aussi aux comics, à la bande dessinée de façon générale. Et donc, on va d'ailleurs commencer par un. C'est quoi? C'est un comics, hein? Non, c'est une C'est une BD. BD tout à fait française, Tout à fait française, très bien de bien. chez nous, de Bretagne. Ouh, en Enfin, plus. de Bretagne, non, mais qui parle de Bretagne. Excellent sujet. Je pense que je vais apprécier. Donc ça s'appelle Un océan d'amour. Alors c'est écrit par Wilfried Lupano et c'est illustré par Grégory Panaccione. Panaccione. Et édité chez Delcourt. Nous t'écoutons. Exactement. Et donc c'est bien français, c'est bien de chez nous, c'est scénarisé, donc tu l'as dit, par Wilfried Lupano, qui est actuellement certainement le scénariste de BD en France le plus apprécié et le plus recherché, puisqu'on le connaît notamment là cette année. Il a sorti les deux tomes et voilà, j'ai perdu le nom. Ça commence très très bien cette émission. Des vieux fourneaux, Ah, voilà, donc c'est lui, Romain, tout à le fait. scénariste. Voilà, et il a créé plein d'autres choses comme Azimut. Des choses très très bien, et il continue cette fois-ci avec Un océan d'amour, et pour ça il s'est associé à Grégory Panaccione, que moi j'ai découvert pour une BD qui narre un match de tennis à Roland-Garros, mais la BD est entièrement muette, et c'est assez incroyable comme c'est fait. C'est dans un format un peu manga, un format A5 assez épais. C'est génial. Et donc pour Un océan d'amour, du coup, ils se sont dit, on va faire la même chose, on va faire Une BD totalement muette. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un pêcheur breton, un vieux pêcheur breton, avec sa femme, donc Bigouden, voilà, breton, la Bretagne, quoi. Tout à fait. Tu peux pas faire plus. D'ailleurs, le petit-déj, le matin, il mange des galettes. Et donc, ça commence comme ça. Il part à la pêche le matin, il fait nuit. Il part avec son collègue. Sur leur petit bateau, et dans le courant de la matinée, ils se retrouvent coincés dans le filet d'un énorme bateau de pêche monstrueux qui fait 10 fois la taille de son bateau, et ils se retrouvent embarqués vers l'Amérique du Sud. Et donc, Sabi Gooden, ne le voyant pas revenir, décide, apprend avec ce que le collègue de son mari a pu rentrer à la nage. Et donc, elle apprend que, du coup, il est parti sur ce bateau-là. Donc, c'est pas en Amérique du Sud, c'est dans les Caraïbes. Et donc, elle décide d'aller le retrouver à Cuba. Et donc, à partir de là, s'ensuit les aventures croisées de ce couple. Le pêcheur qui se retrouve coincé sur le bateau, qui va réussir à se libérer, mais qui va lui arriver pas mal d'autres choses. Il va rencontrer des braconniers, il va se passer pas mal de choses pour lui. Et en même temps, de l'autre côté, Sabi Gooden, qui va prendre le bateau, non, l'avion, si je dis pas de bêtises, l'avion, puis le bateau, puis... va se retrouver à Cuba, il va lui arriver plein de choses, elle va faire la une des journaux People, enfin elle va apprendre à des jeunes mannequins à faire des napperons, donc c'est assez insolite, ou à faire des crêpes aussi. Et c'est formidablement raconté, tout est muet, il y a pas mal de lectures, enfin le livre fait pas mal de pages. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il fait plus de 100 pages, voire pas loin des 200 pages. C'est magnifiquement dessiné et peint, puisque c'est peint avec un style assez, enfin sans contour. Les cadres sont juste peints, et il y a vraiment une patte assez magnifique. Avec des doubles pages, beaucoup de couleurs, de la gestion de la lumière est vraiment très très belle. Et voilà, ça fait une BD très atypique, qui se lit parfaitement bien, et qui, au niveau de la narration, du découpage et tout, c'est juste parfait, sachant qu'il n'y a aucune bulle, il y a pas de phylactère, il n'y a rien. Et voilà, et c'est une œuvre unique, et que un scénariste et un illustrateur, enfin un dessinateur de génie se retrouvent, voilà, ça donne ça. Et c'est un objet que je recommande absolument. Voilà. Très bien. C'est en un tome, il y a une. Ça se C'est un seul conclut. tome, il y a un début, une fin, et ça s'arrête là. Très bien. Bon, ben voilà, ça donne envie en tout cas de mettre le nez dedans pour savoir ce que ça peut donner, puisque ton avis est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Je vous propose de passer. Alors, j'ai pas dit le prix. Le prix, c'est 25, un petit peu moins de 25 euros. Donc, ça fait combien de pages à peu près? Je dirais, alors je sais plus, j'ai plus le nombre À de la pages en louche. tête, mais je dirais 150-200 pages. C'est un bel objet, hein, c'est du hardcover, donc une couverture rigide et un format un peu en dessous de l'A4. Et voilà, c'est vraiment un bel objet. Très bien. Je vous propose de passer directement justement à la suite, hein. Avec un nouvelle série qui s'appelle Orange. Alors c'est édité chez Akata. C'est du shoujo. Alors deux nouveautés quand même pour le coup. C'est dessiné par Ichigo Takano. Alors on a eu l'occasion de le lire avec Toontoon. Alors moi j'ai eu l'occasion de lire le tome 1 uniquement. Toontoon a lu les deux premiers tomes. L'histoire est assez intéressante dans le sens où on suit une jeune lycéenne, pardon, qui s'appelle Nao, qui reçoit une lettre en fait, et c'est une lettre qui vient du futur, puisque c'est elle-même qui l'écrit 10 ans plus tard, et donc elle tous les jours en fait elle va recevoir un courrier de soi-même 10 ans plus tard, donc voilà. C'est pas forcément toujours évident à comprendre, mais de façon à lui faire comprendre justement que de ce que des actions qu'elle fera, cela permettra notamment d'aider de sauver un entre autres un de leurs amis et donc de modifier le présent, en tout cas le futur proche tel qu'il va se présenter. Alors bien évidemment, le thème de voyage dans le temps, c'est toujours quelque chose qui est assez bancal. Dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de choses auxquelles il faudra penser quand on fait ce genre de modification. Alors dans le tome 1, pour le coup, c'est pas encore extrêmement présent en ce qui concerne les effets néfastes, en tout cas les effets auxquels on ne va pas forcément penser dans cette évolution-là, mais j'imagine, et Tuntun, tu vas me le dire, j'imagine que par la suite, ça va se voir, hein. Alors, c'est pas forcément que ça va se voir, en tout cas, on va plus revenir sur le côté. Si je modifie le présent, est-ce que ça va affecter le futur de la personne qui m'a envoyé cette lettre, ou est-ce que ça va créer un autre futur? Donc, les questions habituelles liées au voyage dans le temps et à la modification du présent et présent, du passé et du futur. Et donc il va y avoir des questions qui vont se poser par rapport à ça. C'est Il n'y a rien d'original dans la gestion du voyage dans le temps. Par contre, c'est plutôt bien fait, et c'est plutôt efficace, avec des questions qui se sont posées par rapport à ça, des questions de du coup comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, et voilà, et c'est plutôt bien traité, c'est plus traité dans le tome 2, mais c'est plutôt bien fait, ouais. J'aime beaucoup le dessin aussi. Pour une fois, dans un shoujo, ça reste, je vois notamment au niveau des yeux, dans des proportions à peu près normales. Bah Donc après, ça. moi j'ai toujours, mais bon, ça je le dis à chaque fois, je l'ai dit pour Daisy, pour Chihaya Furu, où il y a toujours ces effets où j'ai un petit peu de mal avec les fleurs, l'utilisation, l'énorme utilisation de trames, etc. Où moi j'ai un petit peu de mal sur le découpage aussi, mais voilà, ça se regarde toujours. Ça se lit agréablement, je trouve. Voilà. Un seul bémol, je trouve, c'est par moment il faut un peu du surplace au niveau de l'histoire. Une discussion qui va peut-être durer un peu trop longtemps, qui va pas forcément apporter des choses très très intéressantes, même si ça permet aussi de placer une ambiance. Mais il y a parfois où on a l'impression que c'est pas forcément de quelle façon faire repartir le récit, et il peut y avoir voilà, des petits moments de flottement, de temps mort au niveau de l'histoire, en tout cas au niveau du tome 1. Ensuite, pour ceux qui vont découvrir le tome 1, il faut savoir qu'il y a une autre histoire qui commence sur le dernier chapitre. En fait, on découvre Et qui une se autre finit histoire. dans le te à la fin du tome 2. D'accord, donc on découvre voilà une mini histoire de l'auteur qui s'est déroulée avant et donc qui fait partie de ce tome relié, qui est plutôt intéressante. En tout cas, on va être plutôt dans le shoujo classique sans cet effet qui est assez sans cet effet accrocheur, on va dire, de la question du temps et de la modification du temps. Et donc voilà, ça permet aussi de voir ce qu'a pu faire l'auteur auparavant au niveau de ses travaux précédents. Moi, je reviens juste très rapidement sur les Orange tome 1 et le tome 2, je trouve, où ça se ressent plus. Les personnages du présent, je trouve, ils ont pas ils sont très stéréotypés. Voilà, c'est des lycéens, et les relations amoureuses lycéennes au Japon, voilà, c'est très stéréotypé, c'est très cadré, et je trouve que les personnages ont pas un intérêt particulier, si tu veux. Ils sont pas spécialement bien écrits, ils ont pas d'originalité, ou ils sont pas particulièrement attachants. Mais par contre, les personnages dans le futur, je les trouve beaucoup plus intéressants. Et en fait, le fait qu'ils soient relativement transparents dans le présent, C'est pas que ça sert le récit, mais en tout cas, c'est pas gênant du tout. Et le réel intérêt, en fait, c'est le futur et cette gestion du voyage dans le temps que je trouve vraiment très très bien faite et très accrocheuse dans le manga. D'autres choses à rajouter là-dessus? Ben non, c'est vraiment cool et ah si, on peut en parler très rapidement, je pense qu'on en parlera sur d'autres bouquins, mais Akata fait un super bon boulot d'éditeur et sur Orange comme sur d'autres séries, le travail est vraiment bien fait. Ok, ça marche. Donc, ça s'appelle Orange, c'est dessiné par Ichiko Takano et c'est édité chez Akata pour un peu moins de 8 euros par tome. Alors, du coup, nous allons passer. Ah, j'ai oublié, en fait, je suis passé. J'ai passé Coffee Time. Hein. C'est vrai. Je suis allé trop vite. Donc, c'est Coffee Time, c'est édité chez Kiun via la collection Latitude. C'est dessiné par Tetsuya Toyoda et donc vous l'avez lu. Vous l'avez lu tous les deux, pardon, Toon Toon et Meloku. Alors, Meloku, est-ce que tu peux nous rappeler un peu de quoi ça parle et ce que tu en as pensé? Donc, Coffee Time, c'est un recueil de 17 nouvelles de Tetsuya Toyoda ça s'articule autour du thème du café. Donc, ce sont des petites courtes, un peu comme l'était Goggles, c'est dans Recueil. Et j'ai trouvé qu'elles étaient assez anecdotiques. Elles ne prennent pas autant que les histoires qu'il y avait dans Goggles. Ben, Si, je suis oui. assez, enfin, je suis assez d'accord dans l'ensemble. C'est plutôt bien foutu. Enfin, c'est de la tranche de vie avec des histoires qui se recoupent plus ou moins. C'est très court à chaque fois. Et voilà, vraiment de la tranche de vie et pas plus quoi. Donc, c'est plutôt bien écrit, bien fait. Mais c'est pas non plus renversant. Après, moi, j'ai pas lu Goggles, donc je peux pas faire la comparaison. Mais en tout cas, oui, c'est pas renversant comme ce que tu as dit juste avant, en fait, Meloko. Une fois qu'on a lu l'histoire, on l'a oublié, quoi. Alors que Google, on avait un sentiment de nostalgie. Du coup, en fait, c'est que des, c'est que donc c'est que des histoires courtes, hein, c'est ça, c'est que des Ouais. Oui, c'est des nouvelles, en fait. C'est voilà. des brèves qui durent, je sais pas, peut-être. Une dizaine de pages. Ouais, une dizaine de pages chacune. Donc ça se recoupe plus ou moins. Il y a des personnages qu'on revoit, etc. C'est assez bref, quoi. C'est exactement ce que tu disais, en fait. Une fois qu'on l'a refermé, on a à peu près oublié ce qui s'est passé. Il y a quand même deux, trois histoires qui sont vraiment pas mal. Notamment une un peu métaphorique sur l'incident de voiture avec des girafes et l'auteur qui va Exact. vraiment loin dans son délire. Mais voilà, il y a juste deux, trois histoires comme ça qui sortent du lot un peu, mais le reste, sinon. C'est pas forcément, c'est assez inégal en termes de qualité et donc Mais ça reste bien quand même. voilà, d'accord. Et le trait, comment est-ce qu'il est? C'est assez quelconque ou il y a quand même pas mal de choses qui sont réussies? C'est un peu comme du Taniguchi, mais Ouais. en beaucoup plus dynamique. Donc quand même assez, Ça, il c'est y a pas quand même dur. pas mal de détails au niveau des cases, au niveau En fait, de ce qui est je présenté. trouve sur le découpage, il utilise beaucoup les bandes. Tu sais, il y a des bandes qui. Sur une page, par exemple, il va faire trois bandes sur une même page qui va aller crescendo et du coup qui vont s'agrandir et qui vont agrandir le plan, en fait. Et D'accord. du coup, en fait, ça fait une mise en page vraiment dynamique. Et assez cinématographique finalement. Ouais, ça revient un peu à un petit effet de comme un storyboard en fait. Si on peut. Ouais, plus ou moins. En fait, c'est qu'il utilise assez peu de cases et des grandes cases généralement. En tout cas, ouais, enfin, il utilise assez peu de cases, je trouve, et ça donne un côté très dynamique à l'action où finalement il se passe pas énormément de choses mais c'est fluide quoi. Très bien. D'autres choses à rajouter sur Coffee Time? Ouais, au niveau de l'édition, par contre il y a une petite bémol. Kiyun n'est pas habitué à faire des recueils de nouvelles comme ça. Et D'accord. dans le sommaire du recueil de nouvelles, il y a chaque nouvelle, n'y a pas la page à laquelle correspond la nouvelle. Donc si on veut rechercher, relire une histoire, taper tout le livre et c'est un petit C'est vrai. bémol. Ouais. C'est pas faux, ça. C'est vrai que c'est le genre de détails où on fait pas forcément attention. Sur un. Bah, ça peut. Si, on les a forcément sur un manga et on continue, mais pas sur ce type de recueil, en effet. Et surtout que là, par rapport à beaucoup d'autres mangas, on a le numéro des pages. Oui. Et du coup, ça serait effectivement plus simple de s'y retrouver avec les pages indiquées dans le sommaire. Très bien. Donc merci pour ce petit détail qui n'est pas si anodin que ça. Du coup, on va passer à la suite. Et Meloku, tu vas nous parler d'un de tes auteurs favoris avec le premier tome donc de La Fille de la Plage. C'est dessiné par Inyo Asano et ce n'est pas édité par Kana, mais c'est édité par Imo. Et Voilà. c'est tu as nous, donc Inyo Asano, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, c'est le mangaka, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, entre autres, hein, parmi ses œuvres, son œuvre la plus connue dans ce qu'il a pu faire. Donc, Je te laisse du coup nous présenter un peu La Fille de la Plage et est-ce que tu en as pensé? La fille de la plage, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un type, mais le gars va quasiment la violer quand elle va lui déclarer son amour. Et donc, elle raconte cette histoire à un jeune homme, appelé Ijobe, et qui est amoureux d'elle depuis des années. Il va y avoir une sorte de relation entre cette fille Sato et Ijobe, qui est un peu étrange puisque puisque Ijobe va être amoureux de la fille, mais elle va s'en servir comme un jouet sexuel. Donc ils vont se retrouver justement, faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Et rien de plus. Et au fur et à mesure où l'histoire avance, les sentiments de la fille vers Isobé se développent, tandis qu'Isobé, il commence à en avoir un peu marre qu'elle se serve de lui. Leurs sentiments en fait évoluent de façon inversement de Voilà, façon oui. inverse. C'est exactement ça. Qu'en as-tu pensé Et de ce premier tome? c'est du Asano comme on connaissait avant Poon Poon. Enfin, c'est un peu dans la continuité d'un Solanine, par exemple. C'est assez classique, mais il s'intéresse vraiment en profondeur au mal-être de ces jeunes ados, quoi. C'est toujours Et aussi bien. voilà, il capte vraiment bien leurs sentiments, il arrive vraiment bien à les décrire, il le fait comme personne et on se retrouve dedans, quoi. On a l'impression de lire une histoire qu'on a vécue personnellement. Et pour quelqu'un qui a, par exemple, qui a apprécié ou qui n'a pas apprécié justement Bonne Nuit Poun Poun, est-ce que c'est dans la continuité? Est-ce que ça peut, Non. on peut l'apprécier de la même façon que Bonne Nuit Poun Poun? Non, parce que Bonnie Poon Poon, c'est quand même assez décalé au niveau du personnage, qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plus dans la continuité des mangas qu'il faisait avant, Solanine, Le Chant de l'Arc-en-Ciel, plus dans la continuité de ce manga-là. D'accord. Et graphiquement, c'est tout aussi beau Poon Poon. Il y a en même temps que Bonnie Poon Poon. Au Japon, il a mis beaucoup de temps pour le faire, puisqu'il a mis 2 ans sur chaque tome. D'accord, très bien. Donc, c'est prévu en combien de tomes exactement la Fille de la Sept. Plage? En 2 tomes. Deux tomes. Ouais. Donc, série assez courte. Et donc, il y a quand même un caractère érotique. C'est assez développé. C'est pas conseillé aux plus jeunes. Oui, c'est sûr. Bah, vu comment déjà notamment tu as présenté le début de l'histoire, on Oui. va dire, excusez-moi, de l'histoire, c'est pas, ouais, c'est même dans l'absolu, il y a quand même un, c'est quand même pour un public averti Ah oui. ce que fait Asano en général. Là, il montre tout. Ouais. C'est jamais voyeuriste, mais il montre tout. D'accord, très bien. Alors on va passer à la suite tout de suite. On va changer d'ailleurs on va changer de genre hein, parce qu'on va aller sur, je crois, c'est un shonen ou un seinen. C'est un shonen. Shonen, merci. Donc Prisonnier Riku. Alors tome 1, 2 et 3. Donc vous avez lu tous les deux Tuntun et Meloku. Alors c'est dessiné par Shinobu Seguchi. C'est édité chez Akata. Tiens, justement, tu en parlais tout à l'heure, Antoine, Tuntun. Et donc ça coûte 6,95 €. Alors ça raconte quoi, Tuntun, Prisonnier Riku? Ça raconte l'histoire d'un gamin, en fait, donc qui est ça se passe dans un futur Tokyo où une météorite est tombée sur Tokyo, et en fait La ville s'est reconstruite dessus, sauf que en son centre, il y a une sorte de bidonville géant qui est sous un dôme de verre. Et le tout autour des quartiers riches, voilà, un peu comme on peut voir, mais au Brésil ou des choses comme ça, sauf que c'est largement amplifié. Et dans ce quartier pauvre, sous ce dôme, il y a un gamin qui essaye de survivre et qui est accusé du meurtre d'un policier, alors que c'est pas lui qui l'a tué. Et qui est emmené dans une prison haute sécurité assez spécifique. Et en fait, il va essayer de se faire une place dans cette prison où bah, c'est la loi du plus fort qui règne et où la violence est omniprésente de la cellule jusque dans la cour. Voilà, c'est très très violent. Au Japon, c'est considéré comme du shonen. Dans la classification Akata, c'est plus du manga pour garçons, mais voilà, ils ont pas une classification shonen, seinen, shoujo, machin. Pour moi, je le classerais vraiment dans un truc assez adulte quand même, par ses thèmes, parce que ça traite de la violence dans le milieu carcéral. C'est très très violent, enfin voilà, les combats sont rendus de manière très très brute. Comment dire, c'est pas des thèmes, je trouve c'est pas des thèmes très shonen, à part le fait, oui bah je vais devenir plus fort, etc. D'ailleurs le personnage en soi est pas très fort, il défonce pas tout le monde dès le début. Il sait juste encaisser les coups en fait. Et ce qui est déjà pas mal puisqu'il s'en prend beaucoup. Mais voilà, c'est très très brut. D'ailleurs, le dessin le rend super bien parce que c'est un dessin assez très détaillé, assez épais et assez violent dans le trait que j'aime vraiment beaucoup. Ça retranscrit super bien l'univers du manga. Et voilà, et c'est une super bonne surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est vraiment excellent, déjà je crois qu'il y a 21 tomes, quelque chose comme ça. Ah oui, Déjà quand même. dans les trois premiers tomes, il se passe déjà pas mal de choses, des guerres de clans, etc. Avec des personnages très intéressants et assez variés. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très bien, c'est super bien rythmé, il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est très violent, c'est très brut, le dessin est très très bon et voilà, j'aime beaucoup. Ok, mais le coup, j'ai vu que tu l'avais aussi lu, est-ce que tu l'as aussi autant apprécié que Toontoon? Oui, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai beaucoup aimé ce côté shonen un peu basique au premier abord, avec le héros, avec son grand sens de la justice, qu'il soit orphelin, tout ça. Mais derrière, il y a plein de thèmes sur la politique, l'univers carcéral qui s'ajoutent à ça, et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est une bonne trouvaille d'Akata, encore une fois. Très bien. Ben voilà, si vous avez rien à rajouter par rapport à après générique, donc on vous le conseille, en tout cas Toontoon et Meloku vous le conseille, notamment par rapport à ses premiers tomes, par rapport aux premiers tomes parus chez Akata notamment. Alors on va passer à la suite, on va passer à la seconde, dessinée par Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley, si vous ne connaissez pas, c'est le dessinateur et le créateur de Scott Pilgrim, entre autres, hein, mais on le connaît notamment pour ça en France. Et donc il a sorti une nouvelle bande dessinée, un nouveau comics, et c'était chez Delcourt pour le prix d'un petit peu de 20 €. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, Toon? J'en ai pensé que du bien, à peu Oui. près. Déjà, c'est un gros pavé. C'est un truc, je sais pas le nombre de pages, mais c'est vraiment un gros objet. Après, à l'intérieur, bah, c'est du Brian Lee O'Malley, c'est-à-dire que voilà, on retrouve ce dessin que seul lui fait. Je connais pas un autre auteur qui a cette patte-là. Et ce qui est à ce croisement d'influence entre le manga, le comics un peu underground, voilà, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans son dessin et dans sa façon de faire de la bande dessinée. Et c'est vraiment très très bon. Donc en fait, on retrouve un personnage. Alors, je suis désolé, ça fait un moment que je les ai lus, mais donc je me souviens plus trop des noms, Bravo. ben ouais, je sais, j'ai mal fait mon travail. La déception Qu'est-ce que tu est veux? totale. On verra quand tu auras d'autres trucs à dire. Bien sûr, mais ça arrive, attends, fais pas, hein. Je suis pas là pour balancer les plats, hein, uniquement. Hein. Ouais. Mais du coup, en fait, donc c'est un personnage qui tient son propre, enfin non, qui est cuisinier dans un restaurant et qui décide d'ouvrir son propre restaurant et qui va une nuit se réveiller, être réveillé par un espèce d'esprit qui va lui proposer de manger un champignon et de décrire son quelque chose qui avait changé dans la journée. Qui s'est passé dans la journée et sur un bout de papier et de revenir du coup à ce moment-là pour changer les choses. Et en fait, donc elle va le faire une fois et elle va se dire bah c'est pas mal. Et donc elle va continuer et elle va remodifier beaucoup de choses sans forcément que ça arrange les choses. Et au contraire, ça va petit à petit, la situation va se dégrader et va aller dans un sens qu'elle aurait pas voulu et du coup il va se passer pas mal de choses comme ça où elle va modifier le cours de l'histoire et voilà il va se passer beaucoup de choses et beaucoup de choses pas forcément dans le bon sens donc mais voilà et ça reste comment dire ça reste très très cool, ça reste très j'aime pas ce terme-là, mais ça reste très Jones dans la façon de parler, de raconter l'histoire et tout. Casuel. Non, non, non, mais dans les expressions, le parler et tout, c'est très à la cool et tout. Et y a vraiment, c'est la patte Brian Lee O'Malley, quoi. Ce qu'on retrouve dans Scott Pilgrim, on le retrouve là-dedans avec des thèmes assez proches, etc. Avec ce mélange avec du fantastique, des univers parallèles, on comprend pas toujours ce qui se passe, mais il y a vraiment une atmosphère, une patte unique. Et voilà, simplement, si vous avez aimé Scott Pilgrim, vous apprécierez forcément Seconds, et si vous n'avez pas aimé Scott Pilgrim, essayez quand même Seconds, parce que c'est cool. Et voilà, et non, non, c'est vraiment très très bien. Il y a vraiment une atmosphère particulière. En plus, l'auteur est vraiment très bon dans son découpage. Il tente des choses. Il est en même temps sobre et en même temps très très efficace. Et voilà, ça marche super bien. Et voilà, je le recommande vraiment à tout le monde, quoi. Eh ben, on va passer, on va quitter le comics, on va quitter les États-Unis, on va revenir au Japon et on Canada. va revenir sur un premier tome donc qui s'appelle Sunny. Donc c'est dessiné par Tayu Matsumoto. Alors Tayu Matsumoto, on le connaît pour Amer Béton, on le connaît pour Number 5, pour Ping Pong notamment, entre autres. Hein. C'est un auteur assez iconoclaste qui rentre pas forcément dans une catégorie bien précise, hein, mais qui réussit, bah, qui arrive quand même à aborder différents thèmes en ayant un trait assez particulier. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc on va Don't aimer le coup, on lu le dernier justement le dernier manga sorti édité, dessiné par Matsumoto, donc qui s'appelle Sunny, c'était ben, donc toujours chez Kana, parce que j'ai dit tout à l'heure, pour un prix de 12,70 €. Donc de quoi est-ce que ça parle, Sunny, messieurs? Bah, vas-y, mets le coup si tu... En fait, Sony, c'est l'histoire de, enfin, c'est ce qui, en gros, c'est de la tranche de vie dans un foyer de pour jeunes orphelins ou pas que, mais confié une sorte de DAS en fait. Et donc Sony, ça fait référence à la voiture qui est une Sony dans le jardin, une voiture abandonnée, dans laquelle les gamins vont se retrouver pour laisser en gros leur esprit vagabonder, laisser leur imagination se développer ou penser justement à des souvenirs un peu de leurs parents ou des choses comme ça. Et en fait, donc chaque histoire est basée sur un des gamins du foyer, chaque chapitre, pardon, et va raconter une histoire qui lui est arrivée. Donc c'est très... comment dire, y a un côté tranche de vie, il y a un côté un peu réflexion sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, etc. Mélangé avec le trait de Taiyu Matsumoto qui est en effet assez spécifique et assez proche, je trouve, on va pas dire d'une ligne claire. Parce que c'est pas le cas, mais assez proche d'un esprit franco-belge, en tout cas, je trouve. Et il y a... voilà, c'est vraiment une BD atypique, mais qui traite d'un sujet qui est pas toujours évident, et qui le fait à la manière japonaise, assez mélancolique, mais jamais, jamais... sans jamais tomber dans la pitié ou dans un truc trop triste, c'est juste de la jolie mélancolie et c'est bien fait. Donc peut-être juste pour ajouter, j'ai pas grand chose à ajouter en plus, mais le manga il touche vraiment les enfants, on ressent ce qu'ils ressentent un peu en lisant Sony, et Taiyo Matsumoto était orphelin, donc le manga est en partie autobiographique. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi puissant. Et c'est vrai qu'il avait évoqué dans une interview dans le dernier Kaboom qu'il a longtemps hésité à en parler parce que il voulait pas non plus se concentrer sur lui, donc proposer aussi autre chose et ne pas centrer son œuvre sur son histoire personnelle. Messieurs, d'autres choses à rajouter? Moi, c'était mon premier Taiyu Matsumoto. J'ai pas lu Ping Pong, j'ai pas lu ce qu'il a pu faire précédemment. Ouais. Mais Amer Béton, tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. J'ai vu l'animé, mais j'ai pas. Pareil pour Ping Pong, mais je l'ai pas lu et c'est dans mes futurs achats de toute façon. Mais du coup, ça m'a encore plus donné envie de lire ce que l'auteur a fait avant. Si vous n'avez rien à rajouter, on va pouvoir passer à la suite. Je propose d'ailleurs, parce que Tuntun, c'est qui... que de lecture, tu me dirais pour ce bimestriel te concernant, puisque tu as lu Les Pommes Miracles. Oui, un one-shot chez Akata. Toujours, Akata. Écrit et réalisé par Tutsumo Fujikawa, et qui raconte l'histoire d'un fils d'agriculteur, de maraîcher plutôt d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et qui a toujours, depuis qu'il est tout petit, en fait, il est prédestiné à reprendre l'affaire familiale, mais lui, il a dans sa tête d'inventer de nouvelles choses, il est tout le temps en train d'essayer de créer, de mélanger et d'inventer tout simplement. Il a un esprit très créatif et d'ailleurs il part faire ses études loin de chez lui à la ville justement pour retrouver cet esprit-là, sauf que du coup à un moment il est obligé de rentrer chez lui. Il est marié et du coup il se retrouve à la tête de la ferme familiale de sa femme. Et petit à petit, en fait, il va se mettre en tête de faire ce que personne n'a réussi à faire, c'est-à-dire de faire pousser des pommes sans, sans aucun produit chimique, sans aucun, sans aucune modification non naturelle en fait sur ses pommiers. Et petit à petit, du coup, il va s'entêter là-dedans, il va essayer de mettre au point des nouvelles techniques, etc. Et sans raconter le déroulement de l'histoire et la fin notamment, il va forcément se mettre pardon et mettre sa famille dans la difficulté et il va s'entêter là-dedans et jusqu'à ce que éventuellement ça marche et voilà donc c'est un one shot c'est une histoire donc qui a un début, une fin, et qui est assez importante, je trouve, et assez bienvenue dans tous ces. En ce moment, on a beaucoup de bouquins sur l'agriculture. Il y a Silver Spoon, il y a Moya Shimon qui a commencé en fin d'année dernière. Et il y a Les Pommes Miracles, et Les Pommes Miracles, je trouve un propos très intéressant et assez dans l'air du temps, dans le sens où forcément avec le message écologique qu'on entend un peu partout en ce moment, etc. Mais d'une façon dont on entend très peu parler en fait dans Les Pommes Miracles par rapport à ce qu'on entend habituellement. Et qui montre qu'on peut faire, on peut faire des choses naturellement. Que c'est parfois et même souvent meilleur que chimiquement et mais que forcément il y a des difficultés mais que faut toujours essayer faut toujours repousser nos limites les limites qui nous sont imposées et que voilà il y a une détermination il y a une force dans le personnage principal et du coup dans le one shot que je trouve vraiment importante et qui devrait être qui c'est un manga qui devrait être montré aux plus jeunes et même aux moins jeunes d'ailleurs mais qui devrait être montré à beaucoup et qui est je pense qui est un propos important pour tout le monde quoi. Donc voilà un très très bon bouquin que j'espère Akata en tout cas a un petit peu mis en avant et qui j'espère va trouver un certain public parce qu'il mérite et en plus c'est une très bonne histoire donc vraiment un très bon manga. Parfait, parfait, parfait. Donc, ça s'appelle Les Pommes Miracles. C'est dessiné par Kawa. C'est édité chez Akata pour un peu moins de 8 € par tome. Et comme tu. Et c'est encore Akata qui le fait. Encore Akata, absolument. Et comme tu as la parole, je te la laisse, puisque tu as eu l'occasion. Alors, on avait déjà évoqué le Toxic Boy lors de la dernière émission, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer l'auteur pour une dédicace lors du festival de Quai des Buts sur Saint-Malo. Et donc, on a eu l'occasion de lire ce premier tome, justement, dessiné par Xavier, édité par la maison d'édition belge Sandawe. Alors, C'est qu'est-ce ça. que tu en as pensé rapidement? C'était cool. C'était cool, hein? Mais ouais, encore. c'était vachement sympa. Alors, y a pas mal d'influences. Il y a notamment, on ressent énormément l'influence de One Piece dans le personnage principal et puis dans le dessin et dans la mise en scène, etc. Mais pas que ça, il y a aussi des influences plus franco-belges. L'histoire, donc c'est l'histoire d'un un monde qui est ravagé, enfin, où des geysers d'eau, je sais pas comment on pourrait dire, toxiques. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle Toxic Boy, donc des eaux toxiques qui transforment en fait tout ce qui est vivant en partie mécanique. Donc, par exemple, quand ça touche à un être humain, l'être humain il va se transformer par exemple en homme horloge ou des choses comme ça. Du coup, ils deviennent mécaniques et du coup, il y a une espèce de ségrégation entre ceux qui ont été touchés par l'eau toxique et ceux qui ne le sont pas. Et donc nous, on suit l'histoire d'un jeune garçon à qui l'eau ne fait rien du tout. Au contraire, il adore ça et ça agit comme une drogue sur lui et du coup il se jette dans les geysers d'eau toxique et il se transforme le temps de quelques minutes. Ça lui fait une sorte de poussée d'adrénaline et après ça se calme et du coup il court de geyser en geyser pour essayer de retrouver cette sensation. Et donc il va rencontrer plusieurs personnages qui vont soit essayer de récupérer, de savoir pourquoi il a ce pouvoir, d'autres qui vont essayer de le tuer parce que voilà, c'est dérangeant d'avoir quelqu'un comme ça. Et donc en fait, Xavier, l'auteur, a mis en place tout un univers cohérent, fouillé avec une politique, avec des personnages. Enfin, c'est vraiment un univers complet qui a été créé et qui est cohérent et qu'on retrouve dans ce premier tome. Qui va être, enfin, qui est très très bon en soi, qui raconte une vraie aventure en plus avec des personnages forts, notamment le personnage principal qui est assez génial et qui a ce côté un peu fou et insouciant de Luffy dans One Piece. Et voilà, et c'est un très bon premier tome qui met bien en place l'univers. Au niveau de dessin, on ressent pas mal les influences. Ça reste malgré tout assez brouillon, assez bordélique, je trouve. Mais ça se laisse quand même lire et regarder sans souci. Il y a quand même Oui. des planches assez bien foutues quand même. Malgré ce côté un peu fouillis, mais voilà, ça c'est une très bonne surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise parce que ça fait un moment que je le suis, ça fait un moment que je sais de quoi il retourne, mais en tout cas c'est un bon bouquin, une bonne lecture, je trouve. Très bien. Parfait. Pour l'avoir lu, bah, j'ai commencé à lire, hein, j'ai pas fini de le lire, mais pour l'avoir lu notamment, c'est vrai qu'on retrouve un peu. À l'origine, en fait, il devait être édité chez Ankama, donc on retrouve un peu, on retrouve un peu cette ligne éditoriale où on va dire, ce sont des projets qui ne rentrent pas forcément dans une case bien précise par rapport au dessin, par rapport à l'histoire, par rapport au format, au nombre de pages, etc. Et du coup, ça n'a pas pu se faire avec Ankama. Ce qui est cool quand même, c'est que justement la bande dessinée a pu être éditée. Et donc, on attend la suite. Notamment, alors, elle a été éditée notamment par le biais de crowdfunding, ce qui est assez rare, on va dire, pour la bande dessinée, hein. On voit plutôt ça pour les projets de télévision, de séries, de films. De jeu. Voilà, exactement. Mais pas forcément pour la bande dessinée. C'est une maison d'édition qui fait ça assez, ben, qui fait ça pour quasiment tous les tomes Oui, qu'elle pour va tous. éditer, Pour toutes les tous. séries. En fait, on en avait un peu parlé dans le bimestriel précédent, mais c'est Sandaway, donc ils font. Ils financent une partie d'un livre, enfin d'une BD, mais le gros de la bande dessinée est financé par ce qu'ils appellent des Edinotes, et ça devient vraiment des éditeurs puisqu'ils perçoivent une partie des recettes de la BD quand elle sort. Et donc voilà, et c'est ils ont déjà édité un certain nombre de bandes dessinées. Oui. Ils ont édité donc Toxic Boy, le premier volume, et il y a le deuxième volume qui est en cours de financement, qui doit être, je crois, à 39%, un peu plus de 30%. Pas 39, mais un peu plus de 30% de son financement, sachant qu'à partir de 75%, elle est automatiquement financée. Donc Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le délai, on n'est pas sur des délais assez courts comme peuvent l'être sur les projets présentés sur Ulule, sur KissKissBankBank, sur Kickstarter. C'est-à-dire que ces projets-là peuvent mettre jusqu'à 1 an à être financés, ils resteront toujours dans la boucle, sauf cas exceptionnel. Tout à fait. Et donc voilà, donc on a terminé avec Toxic Boy, pardon, de Xavier, édité chez Sundaway. Eh bien, nous allons maintenant passer la parole à Meloku, qui va nous parler alors d'une œuvre assez particulière, parce que ça s'appelle Les Gardiens du Louvre. C'est dessiné par Jiro Taniguchi et c'est édité alors par Future, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre, Meloku? Déjà, je l'attendais depuis très longtemps, Oui. puisque Futuropolis l'avait annoncé il y a à peu près un peu plus de 4 ans, après qu'il y ait eu Rouen au Louvre, Hirohiko Araki, qui joue Bizarre Aventure. Et donc, je suis enfin content d'avoir pu le lire, et j'ai adoré. Donc, c'est l'histoire d'un dessinateur japonais qui visite le Louvre pendant son voyage à Paris, et qui, au milieu du public, tombe dans les pommes. Et il se réveille, à son réveil, il se met à voyager entre les tableaux, entre les œuvres qui sont exposées dans le Louvre. D'accord. Le principe est assez simple. Ça nous fait visiter le musée, les œuvres les plus emblématiques, ceux qui ont marqué Taniguchi, et c'est vraiment très bien. Est-ce que c'est un peu dans l'esprit, je dirais, alors, pas forcément sur la forme, évidemment, mais sur le fond de Pépita. Non. C'est pas pareil? Non, pas vraiment, parce que c'est quand même, c'est plus un manga, c'est une bande dessinée. Oui, d'accord, oui, il y a vraiment, on va dire, oui, on a vraiment le format bande dessinée Il y a une histoire, elle débute, elle termine. et le prétexte, c'est de pouvoir voyager, on va dire, entre les œuvres présentes au niveau du musée du Louvre, hein, c'est bien ça? C'est parfaitement ça. Il n'y a pas la touche de nostalgie qu'on pouvait trouver dans un quartier lointain, par exemple, ou Oui. le journal de mon père. Mais il y a tout le côté contemplatif de Taniguchi qui se dégage dans ce manga. En plus, il est entièrement en couleur. J'ai jamais autant aimé le trait de Taniguchi, quoi. Et C'est dans vraiment magnifique. le format dans un format assez grand en plus, hein, parce qu'on est vraiment sur Et oui, c'est un format de bande dessinée. Il est plus grand que Rouen au Louvre. 130 pages et un grand format. Donc c'est un bel, en tout cas c'est quelque chose qui t'a bien plu ben sur cette œuvre-là, on va dire, hein, de Taniguchi. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que l'auteur avait été invité à passer quelques jours, notamment ben, au sein du musée du Louvre, pour pouvoir faire des repérages dans le cadre du développement de cette œuvre. Oui, ça se voit parce que c'est bien détaillé, le musée Oui. du Louvre. Ouais, exactement, oui. En plus, voilà, pour avoir eu la chance de l'avoir fait une seule fois pour l'instant, il y a tellement de choses, tellement fois, il y a tellement d'œuvres disponibles de toutes les formes possibles que c'est assez. Ça n'a pas dû être facile de sa part de faire un choix sur les différentes œuvres qui étaient disponibles et sur lesquelles il pouvait voyager au fil des pages. Oui, là il en choisit 4 ou 5. Par exemple, on voit le héros, au bout d'un moment il rencontre Van Gogh. Donc c'est vraiment bien, je le conseille. C'est très pédagogue et c'est du très bon Taniguchi. Et ça donne envie d'aller visiter le Louvre, j'imagine. Oui, je suis un peu loin pour y aller. C'est sûr. C'est sûr. Très bien. Donc, ça s'appelle Les Gardiens du Louvre, pardon. C'est a été vivement apprécié par Meloku. Dessiné par Jiro Taniguchi, donc, à qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on doit Quartier lointain, Mémoire de. De mon père. Encore beaucoup d'autres œuvres dans lesquelles voilà, il a eu l'occasion de travailler dans Cette année, il y a eu les enquêtes du limier aussi. notamment Contrée et sauvage. Le gourmet Exact aussi, ouais. solitaire j'en passe et des meilleurs alors pour la suite du coup je vais me permettre de garder la parole hein, puisque c'est un tome un manga que Il j'étais le était seul à temps. lire il était temps oui non mais au bout d'un moment il faut aussi y aller quoi donc, tout simplement, Log Horizon, tome numéro 1, dessiné par Shoji Matsuda, édité par Kana pour un prix inférieur à 7 euros. Alors, pour le coup, Log Horizon, je sais même plus trop pourquoi je me suis lancé là-dedans. Pour tout vous dire, parce que l'histoire est, on va dire, un petit peu bateau, c'est pas forcément le cas, mais en gros, ça, on parle d'un MMORPG qui s'appelle Elder Tale, dans lequel 30 000 joueurs vont se retrouver enfermés C'est-à-dire, ils vont se retrouver physiquement dans le jeu, sans savoir exactement comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux, en tout cas retrouver leur place et leur corps au niveau du monde réel. Donc on va suivre plusieurs joueurs qui avaient déjà eu l'occasion de jouer ensemble avant, et donc ils vont se regrouper pour essayer de trouver une solution à leur déboire. Donc il y a notamment le personnage principal qui s'appelle Shiroe, qui est un magicien. En tout cas voilà, il a le métier, la fonction de mage au sein du groupe, au sein du jeu. Et donc on va les suivre notamment. Alors le premier tome fait vraiment office d'introduction à l'histoire. On n'entre pas encore véritablement, en tout cas j'espère que ce sera le cas par la suite, mais on n'entre pas véritablement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que ça va plus faire office de constitution de groupe entre des personnages qui vont être sauvés, des personnages qu'ils vont retrouver, pièces qu'ils vont devoir éviter, etc. etc. C'est pas encore flamboyant. Je pense qu'il faut quand même lui donner, je dirais dans le même temps, je dirais il faut lui donner sa chance, hein, pour savoir ce que donne la suite, notamment le tome 2 et le tome 3, pour savoir si y a vraiment une épopée qui va se monter, ou si ça de voir dans quel sens ça va partir au niveau de cette histoire-là. Le dessin, on va dire, est plutôt, je dirais pas quelconque, c'est joli, mais ça ne ressort pas. En tout cas, il n'y a pas de franche originalité dans ce que fait le dessinateur. Alors c'est un peu, on va dire, dans la droite lignée, notamment dans la mode de Sword Art Online, puisqu'on retrouve un peu le même principe de départ au niveau de l'histoire. Personnellement, alors pour vous conseiller, on va dire, c'est pas forcément un manga, mais c'est un arc dans un manga où on retrouve un peu le même principe, où des personnages sont coincés au sein d'un jeu. Je vous conseille Hunter x Hunter, et notamment l'arc Greed Island, qui est pour moi autrement plus complexe et inspiré, on va dire, que Log Horizon. Encore une fois, hein, là on est que sur un premier tome, donc il faut quand même donner la chance au produit pour la suite, au manga pour la suite. Mais pour le coup, Greed Island, l'arc Greed Island était quand même extrêmement complexe, complet, et apportait un peu plus de complexité que ce que nous apporte ici Log Horizon. Donc à tester vraiment pour vous donner une idée, mais si vous commencez, je vous conseille peut-être d'attendre le tome 2 et le tome 3 pour voir si ça vaut l'intérêt de continuer un peu plus au-delà que ça. Donc voilà pour Log Horizon tome 1. Mais le coup, tu vas nous parler, toi, on va terminer sur les premiers tomes avec les Femmes du Zodiaque. Donc c'est dessiné par Miyako Maki, édité chez un éditeur justement qu'on n'a pas l'occasion de voir régulièrement au bimestriel, parce que nous on est un peu trop mainstream, hein, je pense, parce que c'est le Lézard Noir, hein, et c'est trouvable pour environ 22 euros. Le commander d'ailleurs sur leur site et ils offrent une jolie sérigraphie en plus. Ah, tu m'intéresses. Et de quoi ça parle du coup? Donc déjà Miyako Maki, on la connaît parce qu'elle est la créatrice de Lika-chan, une petite poupée très célèbre au Japon, tapée sur Internet, depuis ce que c'est. Et c'est aussi la femme de Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator. Ah oui, pas folle la guêpe, hein. Et elle est aussi une excellente mangaka. Et donc Les Femmes du Zodiaque, c'est son premier manga à sortir en France. C'est un deux volumes. Le premier recueil fait cinq nouvelles. Et c'est des histoires d'amour basées sur l'astrologie, en fait. Simplement. Les caractères des femmes vont différer en fonction de leur signe astrologique. Donc, il y a des histoires assez variées, comme une femme qui a peur de tomber, d'être enceinte, une autre qui tombe amoureuse de son beau-père. Voilà, c'est du Gekiga des années, ça a été publié dans les années 73-74. Et c'est très bien, c'est très joli, le trait. Malgré la date, excuse-moi, je te coupe, mais malgré la date, tu me dis 74, ça n'a pas trop mal vieilli par rapport à aujourd'hui. Ben, justement, le trait de l'auteur est magnifique. Il n'a pas du tout vieilli, enfin pas beaucoup. Par contre, la façon de raconter les histoires a, elle, un peu vieilli, dans le sens où c'est assez confus. Il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de personnages qui parlent, et on ne sait pas trop parle par moment. On a du mal à comprendre ce qui se passe par moment, mais sinon le dessin en lui-même est vraiment splendide. D'accord, très bien. Donc c'est d'autres choses à ajouter sur le sur les fans du Zodiac, hein. Oui, il faut quand même remettre. C'est un excellent manga. Il faut remettre en contexte. Donc dans les années 70 au Japon, quand même une époque assez traditionnaliste. Et à travers ces femmes, Miyako Maki parle de la libération des mœurs. Donc des jeunes gens qui sont par exemple qui vivent en couple mais qui ne sont pas mariés, c'était quasiment impossible au Japon à l'époque, ou ce genre de choses, et il faut le remettre en contexte pour bien apprécier. Donc voilà en ce qui concerne ce manga-là, excusez-moi, Les Femmes du Zodiac, tome numéro 1, donc tu nous as bien expliqué que c'était en deux tomes, et que ça valait le coup d'aller voir ce que ça donnait dans un style qui sort un peu de ce que l'on peut lire habituellement, en tout cas de la production actuelle dans le manga. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de shoujo des années 70 publiés en France, donc pour une fois qu'on en a un, faut en profiter, lire. Quoi. Ben voilà. Absolument. Alors on va passer maintenant à ce qui va certainement être la partie la plus importante, pas forcément en termes de temps, mais en termes de débat, de questionnement entre nous tous, puisqu'on va parler des fins de séries, notamment des séries qui se sont terminées sur la fin de l'année dernière, notamment, alors donc c'est vraiment ces deux séries éditées chez Kana. Première série, donc c'est Bonnie Poon Poon, tome 13. Et nous, alors c'est un des seuls mangas que nous avons lu tous les trois, c'est même le seul manga que nous avons lu tous les trois parmi toute la sélection que l'on a pour ce mois-ci. Donc Bonnie Poon Poon, tome 13, d'ailleurs qui veut en parler, qui veut commencer? Parce que c'est assez couillu je dirais comme manga, notamment comme fin de manga, Toon Toon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la fin de Bonnie Poon Poon? À part que c'est dans la totale lignée de ce qui s'est passé dans les 12 précédents, et qu'il y a eu une espèce de montée en puissance et en tout cas d'évolution, c'est monté crescendo de tome en tome, et pour un final, une première partie de finale, on va dire, avec un dénouement assez. Enfin, qui. Plein de questionnements encore, qui pose plein de questions, etc. Et une fin. Alors, j'ai pas envie, je veux pas spoiler. On va dire une fin heureuse, mais pas tout à fait. Et c'est assez difficile d'en parler parce que ça apporte. Ça pose plein de questions, ça a beaucoup de signification, et il y a une espèce de transition, je trouve, qui montre que bah, Poon Poon cristallise un peu tout ce qui peut arriver dans la vie, et montre que ça peut arriver à tout le monde. Enfin, voilà, y a beaucoup de choses en fait sur ce dernier tome, même si sur une première lecture ça paraît pas forcément. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à en parler, quoi. Malgré tout, ce que je peux dire, c'est que j'en ai déjà parlé avec toi, Romain. C'est une série qui est très sombre, mais paradoxalement, qui est très lumineuse. Et je trouve que cette fin montre très bien ça. Je trouve que c'est une fin particulièrement lumineuse. Le coup ? Oui, la fin est lumineuse, comme je dis, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai aussi peur de spoiler un peu, bon, je vais pas tomber dedans, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont il a traité la fin, particulièrement les deux derniers chapitres. Oui. Sans revenir des personnages, tout ça, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et je trouvais qu'il avait déjà fait ça dans le Quartier de la Lumière. Le Quartier de la Lumière, c'est un one-shot, et là, il le fait sur une série de 13 volumes, et j'ai trouvé ça assez grandiose. Donc voilà, moi j'ai adoré cette fin, j'ai adoré du début à la fin, et c'est mon manga préféré. Alors concernant Bonnie Poon Poon, donc moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une très très bonne série. Il y a quelques petites choses qui m'ont pas forcément, j'ai trouvé pas forcément des plus intéressantes. Alors j'ai expliqué quand même pourquoi. C'est notamment la secte que l'on voit assez à partir du milieu du manga d'ailleurs à peu près. Je trouve l'introduction, voilà, le personnage assez intéressant, assez charismatique, le chef notamment de cette secte, mais qui après j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça devient en fait, à quoi est-ce qu'il sert le récit, voilà, mis à part ça, voilà, mis à part cette petite chose-là, j'ai pas eu forcément de soucis. C'est une série quand même excellente, qui est quand même, comme l'a dit Toon Toon, extrêmement noire, extrêmement sombre. Bah, par rapport au thème évoqué, hein, c'est assez dur, notamment sur la fin, sans spoiler évidemment, mais c'est pas forcément des plus évidents. Alors, une autre chose qui est intéressante, je trouve, avec le manga, ce qui est assez rare dans les mangas en général, c'est qu'on voit les personnages grandir, hein. C'est-à-dire qu'on les a vus depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont à l'école primaire, si je dis pas de bêtises, jusqu'à ce qu'ils soient adultes, jusqu'à ce qu'ils aient leur propre vie, leur métier, leur vie d'adulte, voilà, des enfants. Donc c'est assez intéressant de voir le cheminement qu'il y a eu tout au long de cette période-là, tout au long du temps où on a pu les suivre. Et donc ça reste une des très très bonnes surprises pour moi, des très grosses surprises, parce que je n'attendais vraiment rien du tout. Bon, en tout cas, je connaissais pas, donc j'étais aussi là pour être surpris par rapport à cela. Et ça a été le cas, notamment par rapport à des couvertures qui sont quand même extrêmement atypiques, hein, aucune, parce que d'habitude, une couverture, en fait, ça donne envie de lire un manga par rapport aux éléments qui vont être mis en avant, par rapport aux personnages, aux situations, etc. Là, on est vraiment sur des couvertures qui sont unies, c'est-à-dire que vous avez juste une couverture d'une seule couleur, hein, avec un relief sur certaines d'entre elles. Et donc ça fait partie aussi de la force, je dirais, du manga, avant même qu'on ait pu ouvrir un tome. C'est que déjà ça va nous parler, parce que c'est différent de ce qu'on peut trouver à côté. Donc voilà ce que je peux penser, moi, en tout cas, de Bonny Poon Poon, du premier tome jusqu'au tome 13. Messieurs? Moi, je peux revenir rapidement sur la secte, Oui? juste pour dire qu'elle contraste assez avec la vision de Poon Poon, en fait, et que la secte croit en des dieux, au dieu caca, tout ça. Et Poon Poon, lui, on l'a vu, pour lui, Dieu, il est en lui. Et il croit à la limite en lui-même, et on le voit par un acte assez fort dans le 13e volume, justement. Et j'ai trouvé, justement, que ça confrontait un peu. Les deux points de vue entre Poon Poon qui pense croit un peu en lui, on va dire, et la secte qui pense que Dieu est ailleurs, voilà. Ok, d'accord, très bien. J'avais pas vu ça comme ça, en fait, en effet, mais c'est intéressant. C'est intéressant, du coup, de voir cette double lecture au niveau du, bah, en plus d'un personnage qui est quand même extrêmement complexe. Si dessiné de façon sommaire, il a quand même une évolution aussi de son caractère et de sa façon de faire les choses, qui est assez impressionnante dans son évolution, notamment. Et c'est Toon cela Toon. en fait, c'est que c'est vraiment un personnage très complexe et il peut avoir plusieurs lectures, on peut en avoir plusieurs lectures. Et c'est jamais simple et c'est ce qui fait que chaque lecteur peut retrouver en Poon Poon une partie de soi, une partie de sa personnalité. Je pense que c'est quand même. Malgré sa relative difficulté, on va dire, d'approche, etc., c'est un manga assez universel pour ça, c'est que vraiment chacun peut se retrouver dans Poon Poon et enfin dans Poon Poon et dans des personnages autour de Poon Poon, mais c'est que voilà, il y a vraiment. La façon dont Asano a écrit ses personnages et tout au long de ses 13 tomes a fait évoluer ses personnages, etc. C'est certainement enfin, la meilleure écriture de personnages que j'ai pu lire dans un manga. Voilà, c'est tellement riche et tellement profond, il est tellement complexe que j'ai vu ça, je pense, nulle part ailleurs, quoi. Et en plus, c'est mis en avant par un dessin qui est absolument incroyable et qui est d'une richesse, pareil, assez inouïe, quoi. Donc vraiment, c'est. Enfin, Poon Poon, c'est vraiment une œuvre complète, une œuvre d'auteur, et c'est assez incroyable. Très bien. Donc, des choses à ajouter, messieurs? Mais le coup? Je peux rajouter deux petits détails, si vous voulez. Comme peu amusant, Asano, on l'a vu durant tout le manga, il s'exprime assez dans le personnage de Sachi. Et on la voit justement, elle, dessiner son manga, et son manga, c'est Solanine, le précédent manga d'Asano qui l'a fait connaître. Voilà le personnage dessine le manga d'Asano. Ouais. Et dans Bonu Poun Poun, dans le dernier volume, il y a un personnage qui a le t-shirt de Dead Dead Demons, la série qu'Asano a fait Bonu Poun Poun, justement. D'accord, donc il a lancé déjà la suite. Voilà. Et cette scène qui boucle en fait avec le début de Poun Poun et qui fait un cercle en fait, enfin qui est assez forte symboliquement, je trouve. Mais il y a des choses comme ça où moi je trouve, notamment on parlait du graphisme, le dessin qui est magnifique, mais il y a des scènes qui sont, je trouve, toujours aussi belles. C'est alors notamment dans le tome 1, alors on voit, alors j'ai oublié, je suis désolé, le nom de la. De ça, voilà. Ouais, on la voit en fait sur 4 pages, hein, sur donc deux fois 2 pages en fait, en gros plan en tout cas, c'est centré uniquement sur elle, il y a aucun décor, rien du tout, et en fait on la voit pleurer juste sur ces deux pages là. Et je trouve qu'il est vraiment très très fort sur les doubles pages dans la représentation qu'il fait et dans la composition surtout, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour faire passer le message et pour faire passer l'émotion quand il y en a, quoi. Voilà, tout à fait, oui, je suis assez d'accord. Ouais. Il était très fort déjà pour ça dans Solanine, où il faisait, enfin, même le quartier de la lumière, où, ouais, mais dans Solanine, déjà, il faisait passer beaucoup, beaucoup d'émotions, et là, c'est un peu pareil, et on est assez vite submergé, je trouve, en lisant du Asano. C'est vrai que c'est terminé, Bonu Poun Poun avec le tome 13, c'est édité donc chez Kana, dans la collection Big Kana, et c'est disponible pour un total de 7,45€ par tome. Alors on va passer à une autre fin de série, toujours chez Kana, donc c'est Bakuman, le tome 20, alors dessiné par Takeshi Obata, au scénario on retrouve Tsugumi Oba. On a été deux à l'avoir lu, Tuntun et moi. Tuntun, je vais te donner la parole à ce moment-là. Toi, alors déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tome-là en particulier, et puis après de ce que ça peut apporter et de, on va dire, de la série en général suite à la lecture. Hein. Ce tome-là, j'ai trouvé que c'était une plutôt une bonne fin. En tout cas, une fin attendue et. Sans qu'elle soit exceptionnelle, elle est efficace et voilà, c'est un dernier tome plutôt bon. Et en tout cas, on retrouve les qualités qu'on avait vues dans le précédent, enfin dans les 19 tomes précédents. Après, il n'est pas exceptionnel en soi. Mais il conclut une série, pour moi une grande série, et qui se conclut vraiment au moment où il faut. Il y a eu quelques tomes, il y a eu un passage où il y a eu quelques tomes, notamment dans la dernière partie, qui était un petit peu dispensable, mais en tout cas, ils ont eu raison dans le sens où ils en ont pas trop fait. Et ils se sont arrêtés avant que ça devienne vraiment très répétitif. Ça venait un petit peu dans les derniers tomes, mais il y avait toujours quelque chose auquel s'accrocher. Et du coup, ils ont su s'arrêter, je trouve, à temps. Moi, ce que je trouve un peu dommage, qu'il n'y a pas qu'on ne retrouve pas, c'est la folie qu'il y avait eu, notamment lors de c'était quoi, il y a 2 ou 3 tomes juste avant. C'était le précédent. Non, par rapport à... Moi, je pense notamment au personnage de Hiramaru, qui donnait du punch à la série, notamment lors de sa fameuse demande en mariage, qui est assez folklore et qui part vraiment dans le... Pas dans le grand n'importe quoi, mais dans l'excès total, dans la réaction des gens, quoi. Et je trouvais ça juste génial. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu... Là, on était vraiment sur une fin un peu plus solennelle que. Ouais, mais ouais, c'était très classique et fallait conclure l'histoire entre nos deux héros, enfin nos trois héros finalement. Voilà, ouais, c'est une fin très très classique et très attendue, hein, de toute façon. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de manières de faire autrement. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais. C'est un peu dommage de pas avoir donné un peu de folie, notamment quand on voit le travail qu'ils ont fait sur que Le travail d'Obata sur les expressions des visages, je trouvais ça juste énorme, tout ce qu'il pouvait apporter au personnage par ce biais-là, et c'est dommage que ça n'a pas été plus loin. Alors il y a certes quelques petits challenges qui arrivent sur la fin, quelques derniers obstacles avant de connaître la fin telle qu'elle avait été écrite dès le début d'ailleurs, hein. Dès le début du manga, il n'y a pas de surprise vis-à-vis de ça, mais ça manquait peut-être un peu de, voilà, un peu de sel, une fin un peu moins convenue aurait peut-être été aussi bien, je trouve, peut-être même mieux. Parce que je trouve qu'il y a des personnages qu'on voit, j'aurais bien voulu en savoir plus sur ce qu'ils étaient devenus. Je pense notamment à Nakai, hein, qui était très présent au début, qui a complètement disparu avant de réapparaître et de devenir, on va dire, de devenir Tiramaru. l'assistant de Fukuda, Non, Tiramaru. de Hiramaru, pardon, excuse-moi, oh là là. Et je trouve qu'après, ben, j'aurais bien voulu savoir ce qui devient, s'il a réussi enfin à aller au-delà de ses différents échecs et d'avoir sa propre série. Donc c'est un peu ce que je peux trouver dommage. Alors après, évidemment, il y a une telle densité de personnages qui ont déjà eu l'occasion et la chance d'être présentés, donc d'avoir un peu d'épaisseur. Mais c'est un peu dommage de pas, notamment ce personnage-là en particulier, parce qu'il reprenait un peu ses codes de Neketsu, dans le sens où il était tombé extrêmement bas, et puis il est revenu par la force, la passion et la force de son travail à essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, quoi. Voilà. Moi je enfin je comprends, mais en même temps voilà, pour le côté les personnages secondaires, qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, c'est difficile à mettre en place. Fallait conclure sur Ce qu'on attendait, justement absolument. voilà ce qu'on attendait. Après c'est difficile sur un tome et demi en gros de parler, de mettre en avant les personnages secondaires, en tout cas de parler de tous les personnages secondaires, quoi. Ah non, c'est aussi pour ça que moi je parlais notamment de ce personnage-là principalement. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a une telle densité de personnages qu'il était évidemment pas possible d'accorder le même temps, en tout cas la même importance à tous. C'est vraiment ça que. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a les anciens de. Bah, y a, Les en gros, il y a la anciens team assistants Fukuda, quoi. d'Ashirogi, il y en a plein qui mériteraient d'avoir un. Alors, pas forcément un spin-off, mais au moins quelques pages pour savoir ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils font après la fin de Bakuman, quoi. Ouais. Après, j'ai pas encore lu les guidebooks Il faut que j'apprenne d'ailleurs. parce qu'il y en a deux, un pour du tome 1 à 10 et l'autre pour le tome 11 à 20. Et peut-être que dans le deuxième, j'ai pas encore lu, mais peut-être que dans le deuxième, il y a plus de précision là-dessus, je sais pas trop. Mais Ah, en justement, tout cas, moi, ça me... Ouais, est-ce que tu peux vas-y. en parler un petit peu de ces guidebooks, en tout cas du premier que tu Bah as. non, j'ai pas encore... J'ai à peine entamé le premier, il y a quelques trucs... Enfin, voilà, ça retrace surtout... C'est un guidebook classique, hein, donc... ça reprend les personnages principaux, secondaires, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le manga, les relations entre chaque personnage et tout. Il y a des timelines, des choses comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes séries qui ont été créées pour la série, justement, avec certaines qui sont un peu plus mises en avant que d'autres, où on a quelques pages de présenter, etc. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Après, bah, voilà, c'est du guidebook classique, donc voilà, je peux pas conseiller aux gens de se jeter dessus, quoi. Ok, ça marche. Alors justement, Meloku, toi, tu n'as pas lu, en tout cas, tu as commencé à lire Bakuman, mais tu ne l'as pas terminé. Qu'est-ce qui, toi, t'a pas donné envie d'aller plus loin dans ce que proposait Oba et Obata? Beaucoup de choses, mais principalement que j'ai du mal à me démarquer du fait que Bakuman fait quand même une immense pub pour le Jump, pour cette édition Shueisha. Donc, non seulement ils font de la pub pour leur manga, bon, c'est un peu normal de voir Kid Ebleach, Naruto, To Love, de quelques grands classiques quand même comme Ashita no Joe, mais aussi j'ai l'impression que à travers Bakuman, ils ben, venez essayer tenter votre chance pour les mangas du Jump, vous serez libre de faire à peu près ce que vous voulez. Être mangaka, ça a des contraintes, mais bon, c'est quand même bien. Alors que non, enfin, chez les éditions Shueisha en particulier, les mangaka, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, donc très contraints par les éditeurs, par les tantos, et j'ai du mal à me détacher de ça. D'accord. Alors, juste par rapport à. J'aimerais juste rebondir sur le fait, par rapport au métier de mangaka, où il y a des contraintes, ce que tu disais, il y a des contraintes, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de points positifs à côté. Il y a un chapitre qui est, je trouve, extrêmement révélateur par rapport à ça, c'est notamment lorsqu'il y a. En fait, il y a une réunion d'anciens élèves qui est organisée, voilà, ils vont manger ensemble au restaurant, ils vont boire un coup ensemble, et du coup. En discutant avec ses anciens camarades, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire par rapport au nom. Il y a Machiro en fait qui se rend compte que lui en fait il a fait penser que alors, on va dire il a quitté très rapidement l'école hein, parce qu'il a fait il a passé son bac et après bon ben il est rentré directement dans le vif du sujet en passant en s'entraînant on va dire à dessiner et à aller voilà s'améliorer au niveau du dessin avant de former Hachirogi et du coup il se rendait compte que mis à part notamment alors il avait ce point révélateur c'est qu'il avait encore de l'encre sur les mains et que alors que les autres partaient faire un karaoké bah voilà pour terminer la soirée lui ben se disait bah non j'ai un timing à respecter donc je peux pas rester je suis obligé de rentrer pour dessiner quoi donc alors il y a certes de nombreuses bah, il y a quand même des avantages voilà c'est aussi une passion le dessin c'est quand même pas mal de choses le fait de pouvoir créer quelque chose c'est quand même toujours intéressant même si comme tu le dis il y a des il y a la contrainte de la maison d'édition en elle-même hein, des tantôt de l'entourage mais voilà il y a ce côté créatif et là du coup lui il voyait vraiment sur cette partie-là il s'est dit bah ouais finalement je loupe quand même pas mal de choses en étant rentré très tôt dans la vie de la peau d'un mangaka et d'un mangaka qui va avoir du succès et qui est en train d'engranger de l'expérience et d'engranger des séries au fur et à mesure quoi. Donc je suis d'accord et pas d'accord avec toi, mais après je sais pas si tu avais été jusqu'à ce Non, chapitre-là. je l'ai pas lu ça, non. Mais ce Après, chapitre qui moi après je suis. Vas-y, oui. vas-y. Non, non, je voulais dire, mais ce chapitre après, on va juste dire, on va juste faire cet état des lieux à ce moment-là, mais après, on va pas forcément revenir dessus, en tout cas par ce biais-là, par le biais du fait que, ben, c'est par la comparaison par rapport à ce qu'ont fait les personnes qui n'ont pas choisi cette voie-là. Vas-y, Bah, Tonton. après, je pense que ce que reproche plus Meloku sur le Bakuman, c'est la vision très centrée Shonen Jump et parfois biaisée ou en tout cas romancée. Et en fait, c'est très, il y a le système de vote qui est mis en avant, il y a le côté, il y a que quand tu vas quand tu t'es publié chez le Jump, chez le Jump que enfin, dans le Jump, que t'as une possibilité d'adaptation animée, des petits détails comme ça qui mettent très très en avant le Shonen Jump. Et je suis assez d'accord là-dessus. Après, je pense que il faut lire Bakuman en sachant ça, en sachant que forcément c'est une vision biaisée du métier de mangaka et c'est pas une vision globale forcément. Mais que il y a quand même tout d'un côté, on a quand même une certaine réalité qui est dépeinte sur les 20 tomes de Bakuman, qui est le système du Jump. Et malgré tout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que il arrive quand même à poser des questions. Sur comment on peut développer un manga, qu'est-ce qui se passe enfin, quelles questions on se pose au moment de, on peut se poser en tout cas au moment de créer son manga, des questions liées par, aussi à l'édition. Je me souviens par exemple de y a plusieurs choses. Par exemple, le grand méchant qu'il y a à partir du tome 15 et qui réunit un panel pour écrire son manga et qui, comment on doit prendre en compte la vision du public et les retours du public. Pareil sur la question de l'âge des auteurs pour écrire du shonen et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des questions très intéressantes qui sont posées, qui sont pas forcément où on n'a pas forcément de réponse, ou en tout cas pas les réponses qu'on espérait, mais en tout cas c'est un, je trouve c'est une bonne réflexion sur une partie du métier de mangaka et une partie du métier de l'édition. Mais clairement, faut pas voir ça comme comment dire, comme une vision globale du manga tel qu'il est au Japon. C'est pas une réalité, c'est une certaine vision du manga et qui est en plus romancée, donc forcément tout n'est pas réalité. C'est sûr là-dessus. Et après, c'est la part de chaque. Pour aller plus loin, c'est la part de chaque livre, de chaque roman, de ce que tu veux, qui vont parler d'un sujet précis, qui vont forcément le romancer, parce que voilà, on va pas. C'est d'ailleurs, on va pas, voilà, être le plus réaliste possible. C'est pas forcément la chose la plus importante dans un roman, parce qu'on. Ça peut aller, on va dire, contrecarrer le côté divertissant de l'histoire aussi. Et c'est ce que j'avais un peu reproché, moi, à un moment sur Bakuman, c'est que ben on retrouvait un peu ce rythme à la semaine des dessins, c'est-à-dire que c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression que un tome, en fait, c'était la répétition d'un même chapitre, à quelques variantes sur certains tomes, puisqu'en gros, ils étaient en pleine élaboration de leur histoire, et donc ils essayaient d'avoir la meilleure histoire possible, ils essayaient de voir quels étaient les résultats qu'ils avaient au niveau du vote des lecteurs, et puis ainsi de suite. Ça revenait chaque semaine, ça revenait, etc. Donc à chaque fois, une volonté de s'adapter, de faire changer les choses. Donc il y avait vraiment un moment, un côté très très redondant, qui heureusement s'est atténué par la suite, mais qui permettait de voir un peu derrière la boutique, derrière les murs, comment ça pouvait, entre guillemets, se passer, le fait qu'il change de tantôt, le fait que voilà, ça se passe pas forcément bien, il y a pas forcément la même volonté de travail, en tout cas de la même direction, que ce qui pouvait être vu auparavant avec le précédent tantôt, etc., etc., quoi. Pas mal de choses, donc faut faire attention. C'est un bon manga, hein. Ça permet, oui, comme tu dis, de voir un peu comment ça fonctionne, mais bon, faut pas non plus tout prendre à la lettre, et heureusement d'ailleurs. Et moi, c'est un manga quand même que j'ai envie de finir un jour dans l'intégral. Mais il faut. Même si on t'a spoilé un petit peu, hein, pour le Le coup, parti pris. J'aurais oublié. on t'a. Mais Ouais, j'espère. au-delà du thème en lui-même, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que déjà, Obata, au niveau de dessin, c'est. Enfin, moi, il me fait halluciner, niveau de dessin, cadrage, mise en scène, narration, etc. Et parce que, en plus. Il décortique très bien, je trouve, les codes du Neketsu. Et il arrive à l'adapter à un Neketsu qui n'est pas baston ou sportif. Et notamment dans les dialogues qui sont, en fait, les dialogues sont les bastons du manga. Et là-dessus, je le trouve très bien construit. Et le travail de Oba et d'Obata est vraiment intéressant, au-delà du thème, est vraiment intéressant là-dessus, quoi. Et on en avait déjà parlé précédemment dans un précédent bimestriel, mais la force du dessin d'Obata, c'est de pouvoir aussi apporter un dessin pour chaque. Parce que il va dessiner évidemment les œuvres d'Ashirogi, mais il va dessiner aussi les œuvres des autres Ouais, auteurs les qui sont présents. Racos, Cro, Et il etc. arrive à apporter à chaque fois un dessin qui est différent. On peut retrouver des éléments communs, évidemment, mais. quand il dessine, voilà, il arrive à garder, à porter à chacun un style propre, et je trouve ça vraiment très très fort. Et autre point en plus, par rapport à ça, on l'avait là aussi, on l'avait évoqué auparavant, c'est que même s'il y a, comme on l'a vu au début du passage où on parle de Bakuman, on a vu qu'il y a énormément, il y a pléthore de personnages, et il arrive quand même à rester clair quant au personnage. Par rapport au personnage desquels il parle. Alors, je sais pas français du tout ce que je dis, mais J'ai pas compris ta phrase. non, ce que je veux dire, c'est que on garde une certaine lisibilité quand les uns et les autres vont parler d'un autre mangaka, d'une autre histoire. Il va quand même réussir à rester lisible pour les lecteurs. Il va pas les perdre dans malgré tous les personnages qui existent et qui ont été créés pour le manga. C'est-à-dire que notamment quand il vous parlait d'un autre manga, il y aura toujours à côté un petit visuel dans la bulle pour faire le rapprochement avec tel ou tel personnage. Et Ouais, ouais, ouais. je trouve ça assez, vraiment assez fort. Oui, tout à fait. Pour dire un mot sur le dessin, moi, j'ai pas vraiment aimé les graphismes de Bakuman. Je trouvais que l'évolution graphique d'Obata, elle me convenait pas. Moi, personnellement, j'accroche pas. Je préférais à la fin d'Hikaru no Go, au début de Death Note, Ouais. comment il dessinait. Et J'ai du mal à. c'était un peu plus anguleux et un peu plus comment dire ciselé. Là, il y a dans Assez Bakuman, il y a cartoonesque. ouais, il y a un, dans Bakuman, il y a un côté un peu plus pop en fait, je trouve. Par contre, je te conseille notamment toi, Tuntun, puisque tu as l'intégralité de la série, de comparer le tome 1 et le tome 20. Et l'évolution au niveau des personnages, c'est assez impressionnant, je trouve. On garde un style quand même assez homogène dans l'ensemble, mais au niveau du design des personnages, c'est limite assez choquant de voir la différence entre les deux tomes. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils ont pas du tout, ils ont pas du tout le même design, si, mais les Mais cela visages. dit, ils ont évolué, hein. Ils ont pris 10 ans, plus de 10 ans. Ouais, mais justement, t'as l'impression qu'ils ont presque. Alors, j'ai pas le tome 1 sous les yeux, donc je vais pas te dire de bêtises, mais qu'ils ont pas rajeuni, mais qu'ils avaient limite des traits un peu plus durs dans le premier tome par rapport au tome 20. Bah après oui, c'est possible. Obata, dans toutes ses œuvres, il a évolué en cours de. Enfin, comme de toute façon beaucoup de mangaka. Dans Death Note, tu prends le tome 1 et le tome 12, c'est pas le même. C'est plus tout à fait le même trait. Il C'est n'y a pas déjà un cette peu différent. différence-là, Et je trouve. y a plus de. Par exemple, il y a plus de points communs entre la fin d'Ikaru no Go, comme tu disais, Meloku. Et le premier tome de Death Note, que entre le premier tome de Death Note le dernier tome de Death Note. Là, c'est un peu pareil, il fait constamment évoluer son dessin, mais oui, c'est clair, ça se ressent, et ça se ressent dans les couvertures aussi, je trouve, où il y a ce côté plus pop que taillé. Au début de Bakuman et à la fin de Death Note, ou même quand s'appelait Ralgrado ou quelque chose comme ça, le très mauvais manga qu'il avait fait avant. Dragon. Blue Dragon. Ouais, c'était ça. Et il y avait ce manga a fait la transition et il y a un côté plus rond dans Bakuman et qui a évolué forcément au fil du temps et qui l'adapte aussi en fonction des thèmes, etc. Enfin, il y a vraiment une évolution dans son trait et qui est vraiment peut-être même plus visible que chez la plupart des autres mangaka, quoi. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On a davantage fait le tour, davantage passé de temps sur Bakuman que sur Bonny Poon Poon, alors qu'on Parce aurait. que il y a plus de désaccords. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, t'as raison. Exactement. Donc je pense qu'on va pouvoir clore cette rubrique fin de série avec Bonny Poon Poon et Bakuman. Hein, donc deux séries qu'ils avaient accompagnées depuis le début de l'émission, depuis le début du bimestriel, et donc qui sont maintenant terminées. Donc place à de nouvelles séries, comme vous avez pu le voir lors du début de l'émission. On va passer cette fois-ci maintenant aux séries qui sont en cours. Alors notamment, on va commencer déjà par l'Attaque des Titans, tome 10. Donc c'est toujours dessiné par Hajime Isayama, édité chez Pika Edition, pour un peu moins de 7 euros. Alors vous l'avez lu tous les deux, Meloku et Tuntun, qu'en avez-vous pensé? Waouh! Déjà, l'intrigue, elle s'étoffe de manière assez exceptionnelle. Ça va très vite. Il y a plein de revirements inattendus, presque. Et ça part dans tous les sens. Et je suis fan. Je sais jamais où il veut nous amener. Et il me surprend toujours. Voilà. Bah pareil, des révélations dans tous les sens, encore l'univers qui s'étoffe, c'est super bien foutu et un manga très très atypique et vraiment vraiment cool à lire quoi. Très bien. Par rapport à la série animée, on est par rapport à la fin de la série animée, je sais pas si vous l'avez vu, on est au-delà ou... Au-delà, oui. Ouais. Et oui, on est bien au-delà. D'accord. Déjà, la série animée se termine au tome 8, vers le milieu du tome 8. D'accord. Donc on apprend encore plus de choses pour donc dans les deux tomes qui suivent la fin de l'animé, donc version papier. Et là, si vous connaissez un tout petit peu la mythologie nordique, vous pouvez vous douter de certains détails, de certains trucs qui vont se passer, puisque l'auteur reprend des noms de la mythologie nordique pour les lieux et même pour les personnages de l'Attaque des Titans. D'accord. J'avais pas fait attention, mais je regarderai ça du coup. Il parle pas du Vinland quand même. Non. C'est jamais, non, parce qu'on va en parler après. C'est jamais quoi. Donc à suivre pour la, bah, pour voir ce qu'il en est du coup pour l'Attaque des Titans pour la suite. Donc moi je vais vous parler rapidement de Silver Spoon tome 8, donc dessiné par Hiromu Arakawa toujours, édité par Kurokawa. Alors, les derniers tomes avaient été plutôt plan-plan au niveau de l'histoire. Il n'y avait pas forcément énormément d'avancées. Les personnages tournaient un petit peu en rond. Toujours Hugo et ses interrogations perpétuelles sans trouver la confiance nécessaire pour avancer au-delà de ça. Le tome 8 a été plutôt agréable à lire dans le sens où il met en avant des problématiques qui sont ancrées dans le réel, notamment par rapport à certains personnages, notamment par rapport à Ichiro qui va connaître pour sa famille une très grande désillusion, excusez-moi. Voilà, ça fait partie notamment par rapport à la ferme que ses parents ont. Sans en dévoiler plus, hein, même si j'ai déjà un petit peu trop dit. C'est plutôt intéressant parce que voilà, du coup, ça permet de comprendre comment fonctionne le milieu agricole dans ses financements, dans sa façon de fonctionner. On n'est pas, voilà, on est pour tous ceux qui ne voient les vaches et les cochons que lors du salon de l'agriculture, un coucou Curita. Il y a quand même. Oui, quand même, voilà. Cette attaque. C'est gratuit en plus. Hein. C'est tellement gratuit. Il y a quand même une complexité beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir en façade. Donc voilà, ça reste un tome intéressant au-dessus des précédents, mais j'espère que ça va encore repartir par la suite, même si là encore, il y a pas mal de nouvelles questions, de nouveaux débats qui sont mis en avant et dont on attend encore une réponse. Pour terminer certains arcs. Donc voilà, en ce qui concerne le tome 8 de Silver Spoon, on va passer maintenant au maître des livres, tome 3, alors que nous avons lu Tuntun et moi-même, dessiné par Omiharu Shinohara et édité chez Komiku. Alors Antoine, est-ce que tu te souviens de ce que tu as lu dans le tome 3 du maître des livres? J'ai lu la suite du tome 1 et 2. C'est ça, c'est tome 3 donc. Non, bah c'est toujours très bien foutu. J'aime bien le côté un chapitre. Enfin, c'est un petit peu plus que ça, mais en gros, des tout petits arcs qui ouais. font 1, 2 chapitres avec une petite morale à chaque fois. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une lecture. Pas nécessaire, on peut pas dire ça, mais c'est une lecture qui fait du bien en tout cas, parce que ça parle de littérature, ça parle de littérature jeunesse, pardon, mais pour des adultes, en disant que bah c'est pas parce que on vous dit que c'est pour les enfants que c'est pas pour les adultes, et que ça met en avant l'imaginaire et que je sais pas comment dire, mais C'est important de garder un peu cette part d'enfance et qu'il y a toujours des choses à retirer de tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup. En plus, c'est toutes les lectures sont citées, sont listées à la fin de. Les lectures conseillées dans l'histoire sont listées à la fin du volume. Et c'est vraiment cool, ça fait des bons conseils lecture et voilà, c'est une très bonne série. Très bien. Rapidement, c'est bon, pareil hein, comme Antoine, comme Tonton, c'est une série qui est vraiment intéressante. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'au niveau des références, notamment par rapport aux références des livres jeunesse, ils te la mettent pas sous le nez en fait. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément te refaire comme au début. Ils vont pas redessiner le tome, le conte ou l'histoire en tout cas sur une partie. Ça a plus été amené de façon intelligente au sein de l'histoire, hein. C'est-à-dire que voilà, on va te dire, ah, ça me fait penser un peu à, je sais pas, Hansel et Gretel, même si là, c'est pas forcément le bon exemple parce qu'il en a dessiné une partie. Il y a plein de choses comme ça dont on connaît pas Oui, forcément. c'est les situations du réel qui amènent à voir le, enfin, qui amènent à cette lecture, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, on voit des personnages qui s'étoffent par rapport à ce qu'on connaît de la situation initiale. Et c'est aussi ça qui est important, qui donne de l'importance au manga, je trouve, c'est que en fait, ça s'agrandit par grappe. C'est-à-dire qu'au début, on avait le noyau dur avec l'équipe qui travaille au sein de la bibliothèque, plus le client. Le client, en tout cas cet adulte qui est arrivé vraiment un peu par hasard dans la bibliothèque et qui a pris son aise et qui apporte aussi un petit vent de fraîcheur par rapport à l'histoire, plutôt par rapport au tome 1 et 2 que par rapport au tome 3, on le voit un peu moins, mais on voit apparaître des personnages qui vont du coup qui vont agrandir le cercle petit à petit et apporter un peu plus de complexité au niveau de l'histoire, hein, donc voilà, c'est pas, il n'y a pas non plus des enjeux absolument énormes, mais on voit les personnages évoluer et je trouve ça vraiment intéressant et c'est pas non plus fait de façon brusque et on peut tout à fait raconter l'histoire de la vie dans une bibliothèque de livres jeunesse qui est pas sur le papier la chose la plus intéressante du monde, mais en faire quand même un objet qui donne envie de lire la suite et qui fait partie des choses qu'on peut conseiller facilement. Aussi bien aux personnes qui lisent des mangas qu'aux personnes qui ne lisent pas des mangas et qui peuvent avoir des a priori là-dessus. Et du coup, ce genre de manga qui apporte des clés de compréhension, des nouvelles choses à lire aussi à côté, c'est partie des choses qu'on ne peut que vous conseiller, notamment en ce qui concerne le maître des livres. Autre chose à rajouter, Antoine? Non, non, non, tout va bien. Parfait. Alors, on va terminer, juste avant la rétro, on va terminer avec Vinland Saga tome 13. Que nous avons lu tous les deux, Antoine et moi-même. Alors, mais le coup, pourquoi est-ce que tu lis pas Vinland Saga? Je lis Vinland Saga, mais j'ai pas lu les deux Ah derniers oui. tomes, parce que j'attends toujours 2-3 tomes pour lire à la suite. D'accord, il va falloir qu'on fasse ultra gaffe. Il va falloir qu'on fasse attention, hein, Antoine. Hein. Cela dit, il faut qu'on fasse gaffe déjà pour nos auditeurs de base, mais. Oui, c'est vrai. Parce que je crois qu'il y a eu quelques accidents dans les émissions précédentes qui ont fait que maintenant faut faire vraiment attention par rapport au spoil au possible spoil, sauf qu'on y fasse forcément attention. Alors, Vinland Saga, il y a des. C'est ce qui m'avait fait un peu rire, mais c'est plus par rapport aux à côté, puisque c'est par rapport à Toon, par rapport au tome 12, qui en avait un petit peu marre des gens qui disaient oh, le tome 12 c'est nul, il se passe rien, il n'y a pas de combat. Soyez rassurés, messieurs. Mesdames, le tome 13 revient à des fondamentaux un peu plus de basse, comment dire, de basse pensée. Hein, on va plus appel au cervelet reptilien cette fois-ci, on va tailler un peu plus dans le gras que ce que le tome 12 nous permettait de voir. Hein, et ça permet de voir les personnages avancer. C'est pas facile en fait hein, de pas spoiler quand même. Hein. Donc voilà, ce que je peux vous dire hein, sans spoiler, c'est que Vinland Saga tome 13 est vraiment très bien, même si la couverture est un petit peu moche, je trouve. Je suis assez d'accord. Heureusement que la couverture ne fait pas le livre, hein, parce que sinon on serait vite déçu dans un sens comme dans l'autre. Mais donc voilà, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi toujours aussi beau d'ailleurs. Je pense qu'on peut même le dire deux fois tellement c'est vraiment Beau. beau. Non, ça fait plaisir à la rétine de voir ça, quoi, voilà. Et on sent que le mangaka est passionné par ce qu'il fait et par l'histoire qu'il raconte, pardon. Alors même s'il nous fait parfois un peu trop lambiner, ça avance pas très vite. Hein. On n'est pas non plus au niveau de Berserk, hein, Et c'est le puisque. but, c'est le but, c'est. Ouais, mais bon, quand je vois, je compare à Berserk, parce que Berserk, la première partie était excellente, et puis après. Quand tu sais que le rythme de parution n'est pas très élevé et qu'il va rester sur 4 tomes Ah, sur le mais même endroit, la raison est différente. la raison est différente, mais comme on est sur un manga qui s'en rapproche vraiment dans la forme par rapport au combat, par rapport aux personnages qui sont très forts. Voilà, après il n'y a pas la magie, il n'y a pas tout ce qui est à côté, mais ça avance lentement, mais de façon intelligente. Et c'est ça aussi qu'on peut apprécier chez Makoto Yukimura, c'est qu'il est, il sait où il va, il sait ménager ses effets, et c'est quand même plutôt bien pensé, je trouve. Et toi, Tuntun? Pareil, il y a pas grand chose à dire. On a quelques révélations. On sait maintenant exactement dans quelle direction on va, plus qu'avant en tout cas. Et voilà, et c'est toujours ultra maîtrisé. Il y a un vrai propos. Enfin voilà, c'est fantastique de voir un manga pareil, d'avoir un auteur qui maîtrise à ce point-là son sujet, et puis voilà, quoi, c'est Yukimura est très très fort. Et Vinland Saga, c'est très très bien. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est édité chez Kurokawa et c'est ça coûte 7,65 € par tome. Ben voilà, je pense qu'on a terminé. On a même terminé avec les mangas qu'on a pu lire sur la fin d'année dernière et on a un petit peu dépassé sur le mois de janvier, mais c'est pas bien grave. Donc il y a quand même encore une fois une sélection assez importante, pas mal de nouvelles séries, pas mal. De choses intéressantes dont on vous reparlera évidemment sur l'année 2015. Avant de finir, on va d'abord, Tuntun va nous parler, comme on l'avait fait la dernière fois, on va rajouter donc la rubrique rétro, parce qu'on va vous parler de Planète, du même Makoto Yukimura, hein, qui est à l'origine de Vinland Saga. Avant Vinland Saga, il y a eu Planète, et donc Tuntun, tu vas pouvoir nous en parler, nous t'écoutons. Tout à fait. Bah, Planète, c'est la précédente et première œuvre de Makoto Yukimura, donc l'auteur de Vinland Saga. La série a été pré-publiée de 1999 à 2003 dans le Morning de l'éditeur Kodansha. En France, c'est Panini qui, à partir de 2004, va publier les 4 tomes que compte la série, puis dans une version de luxe en 2011. En 3 tomes, sorti à partir de 2011, que sur 2011 d'ailleurs. Mais bon, c'est une version de luxe qui n'en a que le nom, puisque c'est en fait plus un grand format qu'autre chose. C'est un de luxe selon Panini, donc avec des standards assez faibles. Donc en fait, Planète, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'Hachimaki, qui est un récupérateur de débris spatiaux, qui, pour pouvoir s'acheter sa propre navette spatiale, décide de participer à une mission d'exploration de Jupiter, qui en gros représente l'avenir de l'humanité. Donc le contexte, c'est quand on est en 2075, il n'y a plus de pétrole sur la Terre, l'énergie, c'est l'hélium-3, qu'on va récupérer sur la Lune. Donc. La conquête du système solaire est déjà assez avancée par rapport à là où on en est actuellement. C'est-à-dire que bah on y a des personnes qui vivent dans l'espace, il y a des personnes qui travaillent sur la Lune par exemple. Il y a une centaine de personnes qui travaillent sur Mars, et la prochaine étape, c'est d'aller donc sur Jupiter pour récupérer de nouvelles ressources. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on récupère l'histoire, puisque Hachimaki est donc un récupérateur, enfin, un récupérateur, en gros, c'est un éboueur de l'espace autour de la Terre, et c'est actuellement ce qui se passe réellement, sauf que ça sera encore plus le cas en 2075. Il y a plein de débris autour de la Terre, donc des débris, ça peut être une vis, ça peut être une plaque de métal, ça peut être des satellites qui ne sont plus utilisés. C'est plein de choses comme ça, et donc il y en a des milliers, voire des millions autour de la Terre, et donc il y a ces éboueurs de l'espace qui doivent les récupérer, soit les récupérer, soit les lancer dans l'atmosphère pour qu'ils se désintègrent. Et donc voilà, on suit une équipe de. On suit Hachimaki qui fait ça plus par nécessité qu'autre chose, puisque son but c'est vraiment de récupérer un maximum d'argent. Pour lui, ce qu'il veut, son objectif c'est avoir sa propre navette spatiale et explorer le système solaire. Il décide de prendre part à cette mission qui va vers Jupiter, qui est prévue sur 7 ans. Suite d'ailleurs, il se décide suite à un accident qui lui arrive où il y a une éruption solaire et il perd toute communication avec son vaisseau, il se retrouve tout seul dans l'espace, coupé de tout. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là qu'il se remet en question et qu'il décide de participer à cette mission. Et à partir de là, en fait, et c'est là où le propos principal de Planète, c'est de là où il va se poser cette question qui va le hanter et que beaucoup de personnages de la série se posent. C'est en gros pourquoi il est là, pourquoi. Nous, humains, qu'est-ce qu'on fait là dans l'univers? Quelle est notre place? Pourquoi on va dans l'espace et pour quel objectif? Et est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit laisser tout de côté ou est-ce qu'on doit avoir une phrase qui revient assez régulièrement dans le manga? Il faut toujours avoir quelque chose. Il faut avoir une personne ou quelque chose qui nous fasse revenir sur Terre. Et voilà, en gros, c'est ça, c'est des pensées, forcément, des questions philosophiques que se posent les personnages et qui reviennent toujours un peu vers en gros l'amour et l'affection, la reconnaissance qu'on tient de certaines personnes, etc. Et voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. C'est très bien fait. C'est alors il y a un petit côté, je trouve, un peu comment dire, un peu naïf, un peu presque niais dans ce côté, c'est l'amour qui nous retient, etc. Voilà, notamment, je pense à une scène je crois que c'est dans le tome 1, avec des terroristes de l'espace où il y a un conflit et juste en embrassant le héros, un autre personnage va faire renoncer. Les terroristes, enfin il y a un côté, faut pas que j'en dise trop, je vais partir trop loin, mais il y a un côté un petit peu naïf, voire même un petit peu nunuche, un petit peu neuneux, qui est certainement dû aussi à la jeunesse de l'auteur au moment où il l'écrit, c'est-à-dire qu'il a 23 ans, je crois, quand il réalise Planète. Mais en dehors de ça, parce qu'en plus l'auteur crée, enfin met en place tout un système avec dans l'espace c'est des sociétés privées notamment en grande partie qui se font la guerre en gros pour dominer l'espace et ce qu'il y a enfin la conquête de l'espace et l'exploitation de l'espace et il y a plein de questions en plus de ces questions un peu philosophiques qui se mettent en place, qui sont, elles, beaucoup plus terre à terre, notamment des idées sur la guerre, sur notre place dans l'espace et est-ce qu'on a le droit de disposer de la nature et de l'environnement tel qu'on le fait de manière très capitaliste. Il y a la question des terroristes, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, et ça en seulement 4 tomes. C'est là où Yuki Mora est très très fort, c'est qu'il pose beaucoup de questions, il répond à beaucoup de questions d'ailleurs, et il montre réellement sa vision du monde, et c'est en ça que Planète est vraiment très très bien fait, et c'est Vinland Saga, même si c'est d'un tout autre univers et même une action très différente, c'est vraiment la suite parfaite, enfin parfaite, c'est la suite logique de ce qu'est Planète, c'est une évolution réelle de ce qu'est Planète. Et les thèmes sont tout à fait les mêmes et les questions sont les mêmes et on retrouve forcément une vraie connivence entre les deux œuvres. Et voilà, et c'est quelque chose une vision, une façon de voir le monde, enfin en tout cas une façon de traiter le monde que je trouve on voit pas et qui est assez unique à Makoto Yukimura, enfin en tout cas de la façon de le traiter, que je trouve vraiment très très intéressante, en plus dans un univers moi que j'affectionne particulièrement, tout ce qui est la conquête spatiale, mais dans un futur proche et plus ou moins réaliste on va dire, puisque c'est une même si c'est pas tout à fait le cas voilà, par rapport à Jupiter, par rapport à plein de choses, c'est quand même quelque chose de proche, c'est pas Gundam avec des robots géants qui se tatanent dessus, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Il a une façon d'extrapoler les questions qu'on a sur la Terre actuellement et de les transposer dans l'espace que je trouve vraiment très forte et très réussie. Et voilà, Planète, c'est un très grand manga, je trouve. Et Makoto Yukimura est un très grand mangaka. Et voilà, et en plus, au niveau du dessin, donc déjà au niveau du dessin, on retrouve vraiment la patte de Yukimura au niveau des yeux, au niveau des expressions. Il y a une vraie évolution, en plus, un peu comme dans Vinland, et forcément qui est très marqué aussi ici, puisque c'est ses débuts, mais il y a une vraie évolution dans le dessin, et une vraie réussite dans la mise en scène de l'espace, notamment, qui n'est pas forcément évidente à rendre, puisque le vide, bah, c'est pas simple à rendre, le vide spatial est pas simple à rendre en image, et il le fait très très bien, notamment bah, sur le dernier tome. Et il y a voilà, c'est une vraie œuvre et c'est un très très grand manga, je trouve. En tout cas, si vous n'avez pas eu envie de lire Planète, c'est tout a quand même essayé de vous donner tous les arguments et tous les ingrédients qui font que Planète est un excellent manga encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui a d'ailleurs été adapté dans une version animée qui est très, je trouve, d'un niveau assez assez correct même. Hein. Oui, je crois qu'elle avait été primée d'ailleurs. C'est bien possible. La série, enfin, pour son côté SF, voilà, c'est l'animé avait été assez réussi apparemment. SF réaliste en plus, hein. Bah, plutôt réaliste. Ouais, ouais. C'est assez bien et, pensé. Et juste pour revenir, parce que j'en ai parlé un peu dans l'introduction. Pour l'édition française, donc chez Panini, les quatre premiers, enfin l'édition de base est introuvable à ma connaissance. Enfin, en tout cas, l'édition a été stoppée et ils sont assez difficilement trouvables. L'édition de luxe est elle certainement plus facile à trouver. Moi, je sais que dans ma boutique manga on la trouve. Après, faut voir que c'est une édition grand format Panini, donc sur un papier de pas très bonne qualité. L'agrandissement est pas toujours réussi, notamment sur certaines pages couleurs qui sont pas mises en couleur. et qui ont un rendu pas très propre. Le noir bave pas mal aussi. Et il y a des grosses coquilles et des changements de nom de même personnage en cours de volume qui sont assez dérangeantes. Donc vraiment une édition qui rend pas honneur à l'œuvre que c'est, mais malheureusement c'est la seule qu'on a, donc malheureusement donnez vos souhaits Panini si vous voulez le lire, quoi. Et ce sont des choses qui sont inhérentes à cette version-là, ou c'était déjà le cas sur la version c'était de poche? Déjà le cas, la traduction a pas été remaniée du tout entre la première version, enfin la première édition et l'édition de luxe suivante. Donc c'est vraiment les mêmes erreurs. C'est il y a eu aucun retravail. Ok, très bien. Alors on va finir avec la dernière rubrique de cette émission, à savoir les couvertures du bimestre. Alors Tuntun, qu'est-ce que tu as choisi toi comme couverture? Quelles sont les couvertures qui t'ont marqué et que tu as trouvé jolies? Il y a celle de Un océan d'amour. Que je trouve vraiment très réussi. En fait, dessus, bah, c'est si de toute façon on va la mettre sur l'article, mais c'est ça fait un peu boîte de sardines et qui fait référence à un espèce de running gag dans la BD, mais que je trouve vraiment très réussi avec une espèce de recette en quatrième de couverture qui est assez drôle. Enfin pas une recette mais les ingrédients de que contiennent la boîte en fait que je trouve donc vraiment très réussi. La couverture de Toxic Boy qui a des teintes vertes et avec un en fait elle est un peu divisée en deux avec les teintes vertes au-dessus et quelque chose de très enfin un espace blanc en fait sur la partie basse de la couverture. Que je trouve également très réussi, et puis les couvertures de Prison Yeriku avec un, je trouve un logo plutôt efficace et des couvertures réussies voilà, que j'aime beaucoup et qui mettent pas mal en avant le manga. Très bien, mais le coup, de ton côté? Et moi, Bonnie Poon Poon, le tome 13. Couverture toute blanche. Elle sera pas dure à mettre sur le. Elle sera pas dure à mettre sur le site à ce moment-là. Ouais. Blanche. J'ai pas souvenir de voir un livre avec une couverture aussi blanche. Pas faux. Sur l'arrière de la couverture, Kana a rajouté rajouté le code barre pour public averti. Ça y est, pas sur la couverture japonaise. Mais à part ça, c'est très fidèle à la couverture japonaise. Et sinon, l'autre, c'est celle de la fille de la plage, Junio Asano. Voilà. Forcément. Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'a fait Yamacho, parce que justement, là, ils ont complètement viré la couverture japonaise, qui est elle aussi blanche, avec un petit effet de couleur, et pas du tout vendeuse. Et là, ils ont repris une illustration du volume. Et voilà, ils l'ont photoshopé, ça fait joli, je trouve. C'est beaucoup plus vendeur. Très bien. Moi, j'ai pas forcément de couverture qui m'ont fait de l'œil sur ce que j'ai pu lire. Alors, j'ai envie de rajouter Bonnie Poon Poon un peu aussi par rapport au minimalisme de la couverture, par rapport à. Qui est toujours, je trouve ça vraiment courageux de faire ça, de proposer ce type de couverture-là. Le Bakuman tome 20 en forme de feu d'artifice c'est pas trop mal non plus, mais bon pour le reste voilà, il y a pas de couverture qui m'ont non plus ébloui ces deux derniers mois, donc on verra à ce moment-là pour le prochain bimestriel s'il y a des choses un peu plus frappantes à ce niveau-là. Et bien voilà messieurs, je pense qu'on a terminé avec ce podcast. On va passer à la rubrique remerciements. Donc avant tout j'aimerais remercier Meloku pour ta participation, cette première participation au podcast. Merci à toi. Merci à vous surtout de m'avoir invité. Donc on peut te retrouver alors sur Twitter, c'est @Meloku, M-E-L-O-K-U. et sur le site nostroblog.wordpress.com, donc nostroblog, NOSTROBLOG, et puis ben, .wordpress.com, vous vous retrouvez très facilement. J'aimerais aussi remercier PodCloud qui nous héberge gentiment sur leur plateforme et qui permet de nous retrouver assez facilement au niveau des podcasts. D'ailleurs, c'est cette plateforme qui héberge l'ensemble des podcasts de Podcastination, donc à savoir Celluloid et également tous les podcasts qui concernent le jeu vidéo, dont voilà tout ce qu'on a pu produire. Et j'aimerais évidemment remercier Fox sans qui les micros ne seraient pas bien dosés, ne seraient pas bien comment dire réglés. Merci beaucoup Dundun pour chaque émission et dont je ferai amende honorable en apportant les personnes, les micros réglables plus tôt que ce que j'ai pu faire auparavant. Donc voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous et à toutes, une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. À bientôt. Salut. Au revoir.